La cave épisode 20, Resident Evil. Hey, salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de La Cave. Mon nom est Jake Dion. Mon nom est Dominique Carrier. On est super contents et on se réunit pour un nouvel épisode super spécial sur le sujet de... Resident Evil. Puis là, ce qui est hot, c'est que c'est ton idée, c'est ton initiative. T'as décidé de... C'est ça, t'as fait ça genre d'une manière extrêmement machiavélique, tel Nemesis, t'es arrivé défonceur mur. Voilà. Puis, c'est que dans le fond, tu m'as invité à prendre une bière chez vous en disant, peut-être la cave, mais je t'ai genre... Parce qu'on se voit... C'est le stratagème de base. C'est ça, c'est pour savoir. C'est pour fortifier notre amitié. Exact. Puis là, moi, quand j'ai vu ton texto, j'ai fait, bon, la cave, il dit ça en joke. Puis là, on a pris une bière, on a jasé. Puis là, t'as fait, on le fait dessus. Puis j'ai fait, Chris, oui, c'est une bonne idée. Puis en plus, c'est un thème que moi, personnellement, me passionne. Je sais que toi, encore, t'as peut-être des souvenirs encore plus frais que moi parce que t'as... Oui, les vieux jeux sont frais. Et... Oui. Petite seconde de silence pour... On n'est pas au mystérieux attendant. On boit de la bière. On fume pas, par exemple, parce qu'on est chez vous. Oui. On est à l'étage. On est allé fumer à l'étage. juste en haut de chez Laurent. Salut, Laurent. Fait que ouais, c'est ça. Resident Evil, man, c'est hot que t'en parles en plus, parce que ces temps-ci, je suis vraiment dans un trip. Je te parlais tantôt. Hey, je vais me permettre de te couper. Oui, ben oui, vas-y. On est rendu à 20 épisodes. Mmh! C'est notre 20e épisode. Notre 19e épisode relevait de l'alignement des étoiles, quand on s'est fait inviter, puis que c'était un peu sur le fly, puis mais nos deux, trois derniers épisodes de comeback, c'était avec des invités, puis c'était chaotique, tout ça, puis là, enfin, on a face à face. Ouais. Une soirée tête à tête. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui est fucked up, man? C'est que, tu sais, ça fait comme 4 ans, 5 ans qu'on fait la cave. On sait plus. En 20 ans, ça revient en moyenne. En 20 épisodes, ça revient à une moyenne de 5 épisodes par année. Puis à travers ça, le monde du podcast a eu le temps de changer. La technologie aussi. Ben écoute, j'ai un téléphone. Oui. On se enregistre avec mon téléphone. Oui. On s'ennuie de ton vieux Mac laptop qui, à la 41e minute, ça spinait, puis tu sortais ton sac de pois verts congelé pour le... Oui. Améliorer tout ça, mais... Oui. C'est vrai que je sortais mes légumes congelés, je les mettais en dessous de l'ordi. Et ce qui est malade, c'est ma période préférée qu'on a traversée, c'est quand que on a fait un level up, puis qu'on a trouvé une nouvelle arme, mais qu'on n'était pas assez haut level pour l'endurer, c'est-à-dire quand... Tu parles des micro-économies, là? Exactement. Ça fait comme 4 fois qu'on plug cette souris-là. C'est ma préférée. Okay. C'est ma période préférée. Fait que là, aujourd'hui, il y aura pas de légumes congelés en dessous du laptop, non. Parce qu'on aura juste ton téléphone. Mais je suggérais quand même qu'on prenne une minute de silence par épisode, fait qu'on se revoit dans 20 minutes. OK, c'est bon. Bon, ça fait à peu près une minute, là. Donc... Voilà. Notre question typique de d'habitude, c'est comment as-tu découvert ce sujet-là? Comment as-tu découvert Resident Evil? Resident Evil, le jeu, c'était pas un jeu qui est sorti avec la sortie du PlayStation original en 95, mais je pense que qui est sorti dans la même année, peu après. Ouais. J'ai la version Director Scott ici. Est-ce qu'il y a l'année... Je pense que ça doit être 95. Ils disent 97, mais non, ça doit être avant. Oui, ça c'est le Director Scott. Ça doit être Director Scott avant. Et voilà. C'est ça, on se rappelle que les premiers jeux, les premiers formats, c'était vraiment comme format DVD, le long box qu'on appelait. Mais il y avait juste un petit truc pour retenir le CD, fait que même les jeux neufs, le CD débarquait, puis t'avais beaucoup de retours, beaucoup de jeux endommagés qui se faisaient scratcher. Incroyable. Ouais. Fait qu'ils sont passés au modèle CD audio. J'ai découvert ça, je le voyais dans les magazines, comme tu as vu tantôt, j'ai des vieux magazines de jeux vidéo, puis ça s'en venait. Je l'ai pas acheté, mais je l'ai loué une fin de semaine. OK. C'est un jeu assez intimidant. Oui. Qui est pas facile. Oui. C'était beaucoup de nouveautés, c'était beaucoup de technologies, le 3D, toute l'ambiance. Ouais. Parce que, rappelons-nous, à cette époque-là, genre, le jeu le plus, mettons, épeurant ou même réaliste. On parle de la série qui a mis le standard pour le jeu d'horreur de survie, là. Ouais. Survival horror. Ouais, exact. Tu sais, fait qu'avant ça, il y avait pas vraiment d'autres trucs qu'on pouvait, genre, c'était comme la première fois qu'on était confronté à ça. Je pense que le seul truc qui se rapproche, et puis tu sais, comme quand je dis ça de manière large, mais du concept d'un jeu d'horreur sur une console de jeux vidéo, c'était le jeu, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que c'était Night Trap sur le Sega CD. C'était comme qui me faisait penser à un jeu d'horreur, mais sinon, c'était impossible. Là. Genre, jeu vidéo, c'était comme complètement nouveau. Là. Oui, en fait, j'avais Night Trap dans la tête pour parler Resident, mais c'était par rapport à l'intro qui était filmée en prise de vue réelle. Alors, on se rappelle que Night Trap, c'était Sega CD, puis qu'il poussait vraiment pour la vidéo, puis du contrôle des vrais acteurs, alors que c'était pas le cas du tout. Mais je pense, avant Resident, c'était peut-être Alone in the Dark au PC, qui était quand même assez... Ben, en fait, j'ai jamais joué, mais qui avait de l'air plus rudimentaire, mais... Des plans de caméra fixes, des objectifs un peu plus horrifiques, comme ça. Puis sinon, il y a la série Clock Tower, plus tard au PlayStation, qui a eu une version au Super Famicom, donc juste au Japon, que tu jouais avec la souris, mais que c'était quand même ton but, t'es une écolière, puis tu sauves, puis tu veux juste te sauver du petit personnage avec des ciseaux géants pour pas te faire couper la tête. Là. Tu peux pas combattre, ton but, c'est juste de te sauver, un peu comme dans... Silent Hill ou plein de jeux de Survivor of Horror. Je sais quoi tu penses, Fatal Frame. Outlast, oui. Oui, c'est plus récent. Ouais. Fait que là, on est vraiment à la source de l'horreur vidéoludique. Puis c'était comme vraiment nouveau dans plusieurs sens, parce que juste avant, je viens de penser à un jeu qui me foutait la chienne quand j'allais chez mon cousin jouer à Doom. Oui. Parce que je pense beaucoup à Doom ce temps-ci, parce que je suis en train de tout refaire les vieux Doom. Mm-hmm. Mais c'était pas le même type d'horreur. C'était un horreur excitant. T'sais, tu horreur le fun. C'est ça. Oh. C'est comme, comme tu tues des démons, t'as des armes, puis tu te sens fort à travers ça. Dans Resident Evil, où c'était nouveau, c'est que l'atmosphère était profondément creepy. T'étais souvent désavantagé. Puis aussi, rappelons-nous que c'est avant l'espèce de retour immense du zombie dans le mainstream. T'sais, on a vécu une vague genre dans les années, mettons, 2000 jusqu'à, on pourrait dire, dernièrement. Avec le remake de Dawn of the Dead, puis Walking Dead qui a suivi après, puis tu sais comme le zombie, on le voyait partout tellement qu'il y avait une saturation de ça. Mais quand Resident Evil est sorti, je me rappelle que je m'étais dit « Ah ouais, des zombies comme dans les vieux films. » C'est ça, fait que la cassure, tu fais ça à la première trilogie de Romero, à peu près. Ouais, ben tu sais, je pense que... Que ça s'est essoufflé... Je pense qu'on fait des années 80. Exact, ouais. T'sais, fait qu'il y a comme eu un gros gap entre de quasiment 10 ans, là, où il me semble que, tu sais, évidemment, je savais c'était quoi la créature du zombie, puis la mythologie, puis j'avais vu des films de zombies, j'avais vu le remake de Night of the Living Dead. Tom Savini. Le seul remake. Zack Snyder, il a fait Dawn of the Dead. Mais, tu sais, j'avais vu tout ça, mais pour moi, ça restait comme une culture, comme un peu, on parle quasiment des vieux monstres. C'est ça, des monstres de la Universal. Vieux films, exact. Fait que c'était comme récent pour moi, tu sais, comme c'était comme un vent de fraîcheur, parce que c'était comme un monstre qu'on n'était pas habitué de voir, tu sais. De le mettre dans notre temps moderne. C'est ça. Puis, avec l'approche qui était, premièrement, faut commencer par le début, parce que tu l'as mentionné rapidement tantôt, mais la cinématique d'intro est quelque chose. Quand on parle de surjouer, si vous êtes aspirant acteur, actrice, ça fait du bien de consommer, de voir des choses qui sont pas bonnes, tu sais, des fois de temps en temps pour dire ah, finalement, je suis pas si pire. Non, c'est ça. Je peux pas tomber aussi bas que ça. Ouais, mais là, attends, t'avais quel âge quand t'as écouté quand t'as joué au jeu la première fois? 15 ans? Ouais, c'est ça, on est quand même assez jeune. Fait que, ouais. Moi, je le savais. On répondait bien. Mais je savais que c'était cheap, mais je savais pas à quel point c'était intentionnel. C'est ça, puis outre le Sega CD, Night Trap, tout ça, on n'avait pas vu ça sortir de notre télé, de notre système de jeu. Puis là, inclus dans le jeu. Je veux juste rappeler, quand je dis cheap, je parle pas du jeu, je parle de l'intro, qui est filmé avec des vrais acteurs. Mais j'ai entendu un truc après, j'ai jamais vérifié si c'était vrai, mais le jeu original au Japon s'appelait Biohazard. Ça s'appelle toujours Biohazard. Et l'intro, est-ce que c'est vrai que ça a été tourné juste pour la version américaine? Ça a été tourné avec une équipe américaine, mais je suis pas mal sûr qu'elle est inclus dans la version japonaise aussi. Bon, ben d'abord, mon histoire est floue parce que ça fait vraiment longtemps. C'est un de mes collègues, quand je travaillais en jeux vidéo début 2000, que lui avait travaillé pour Sony, puis faisait partie de l'équipe qui avait visionné les premiers démos en avance, avant que ça sorte sur le marché. Puis, ce que je me rappelle de son anecdote, c'est que le boss de la compagnie, donc c'était pas le boss de Sony, mais de la division dans laquelle mon ami travaillait, avait dit « Checkez ça, les gars, les Japonais viennent de sortir un jeu d'horreur. Est-ce que ça a de la poche? » Puis là, il avait montré ça au gars qui était beaucoup plus jeune que le boss, mettons. Puis eux autres, ils avaient capoté. Parce qu'ils n'avaient pas vu le premier niveau. Ils avaient vu tout, justement, les parodies à la Brain Dead, à la, tu sais, puis le gore, puis le film d'horreur cheap là-dedans. OK. Fait que quand le jeu avait starté, eux autres étaient comme « Man, ça va pogner au bout. » Et il paraît que ces commentaires-là ont été recueillis pour bien traduire le jeu. Si tu le lisais, si tu gardes juste la séquence d'intro puis tu te bâtis à partir de ça, ça pourrait marcher, mais le jeu en tant que tel est carrément différent. C'est ça, il y a une rupture de ton. Oui, oui. À part dans le voice acting. Oui. Le voice acting, il est reconnu pour être un des pires. Oui, je parle du premier, mais c'est ça. Ça se demandait si les acteurs doutaient de la chance de succès ou du fond du jeu, là, finalement. C'est ça. Ouais. C'est quoi la fameuse phrase, là? C'est complètement ridicule. C'est que tu choisis ton personnage au départ, soit Chris ou Jill. Ouais. Ils ont différentes habiletés, différents points de vie et tout ça. Puis, à un moment donné, avec le scénario de Jill, tu te fais enfermer, puis tu dois sortir avant un temps X, sinon, je pense, le plafond s'affaisse, tu risques de mourir. Puis le Barry, un autre gars de l'équipe, qui arrive, ouais. « Hey, you are almost a Jill sandwich out there! » Ça fait incroyable. Ouais. Mais c'est ça, il y a plusieurs quotes, parce que pour vrai, ça n'a pas de bon sens, le voice acting. Non, surtout de ce personnage-là, que je pense qu'il est au début aussi, quand tu arrives dans The Mansion, ouais. Il dit pas une affaire genre « This better not be Chris's blood » ou un enfant de même, ouais. Tu sais, que c'est encore une fois, rupture de ton, t'es supposé genre avoir peur. On se dit la même citation dans un autre épisode. Ça se peut très bien. Puis le pire, c'est que j'ai envie de raconter de quoi, puis je pense que je l'ai déjà dit avant, je m'excuse aux auditeurs en partant, mais c'est que avant qu'on plonge vraiment dans le cœur du jeu, puis c'est quoi, je veux juste faire une petite mise en contexte de la première fois que j'y ai joué. J'en avais entendu parler. Puis des fois, c'est pire entendre parler de quelque chose que de le vivre. Bien ou mal? Ben, je n'avais entendu parler en bien, mais en me faisant dire que c'était le jeu le plus terrifiant qui avait jamais été fait et que c'était d'une violence extrême. Et, je répète... Ça se voulait ça et c'était pas mal ça. Que les graphismes, oui. Il paraît qu'on le dise, était photoréaliste. Ça, je me rappelle de cette phrase-là. Donc, on se loue un PlayStation, on se loue Resident Evil et on va au chalet de mes parents. Quand je dis « on », je suis avec mon cousin E.G., il a juste parlé 5 minutes à la fin du dernier épisode. Je pense qu'on le mentionne à chaque fois. Lui et Axel. Salut, Axel. Puis. Mais photoréaliste, faut se rappeler que au même moment, il y a des gens qui jouent à Yoshi's Island. Là. C'était l'avancée technologique. Là. Exact. Puis c'était des caméras statiques, donc des décors en 2D qui sont un peu de la rotoscopie sur des photos. Okay. Fait qu'il y avait quand même, tu sais, il sortait pas ça de son cul. Là. C'était quand même impressionnant. Les premières fois que tu voyais des images de Resident Evil, on comprenait même pas comment ça pouvait être aussi beau. Puis ça me faisait à croire comme presque si le choix de la caméra, comme si c'était voulu, mais dans le fond, tu sais. Ouais, c'était voulu pour mettre l'attention, désavantager le joueur ou créer une atmosphère. Mais évidemment, il n'y avait pas un autre jeu qui ressemblait à ça. Exact. Sur le marché à l'époque. Fait que là, on se loue ça. Et en fait, c'était pas un PlayStation loué. On avait loué le jeu, mais la console appartenait à mon ami. Puis on déballe, on arrive pour plugger, puis il manque deux fils. Il manque les fils à RCA. Fait que le G a fait son MacGyver. Exactement. Puis je pense que je l'ai déjà raconté, ça, à la cave. Il me semble que j'ai déjà raconté. C'est flou. Mais bref, il nous a taponné, il nous a patenté de quoi avec de la broche, puis des vieux fils de VHS qui fitaient pas dans le plug du PlayStation. Fait qu'il manquait le fil de courant, le power. Ouais, non, le RCA. OK. Pour envoyer le signal vidéo à TV. Ouais, puis il a réussi avec, en patentant de quoi, puis c'était tellement... Une victoire. Tu sais, quand tu penses que c'est impossible, tu joueras pas à cause d'une connerie, puis on s'était comme prévu deux jours pour jouer au chalet à Resident Evil, puis là, ça arrivera pas parce qu'on a oublié des fils, puis que G fait que, non, moi, je suis capable grâce à la science. Puis que là, il réussit, puis ça marche, puis on voit le logo du PlayStation allumé sur la TV. Okay. Tu sais, rares sont les émotions aussi satisfaisantes que ça. C'est pour vous, c'est malade. Et tu peux pas t'empêcher de penser à Resident Evil en pensant à ça. À chaque fois. Ouais, ouais. Il y a ça et les maudites portes. Les maudites portes qui load, mais moi, ça me terrifiait. Fait que là, à cause que mon ami m'avait dit, genre, c'est le jeu le plus terrifiant. Tu sais, moi, je l'anticipais, genre. Fait que là, on a évidemment l'intro, puis on sait pas trop si c'est une joke, si ça se prend au sérieux. Mais là, le vrai jeu commence, puis on voit notre premier zombie. Puis ça, pour vrai, c'est fucking bien réussi. Tout le jeu a une très, très grande saveur cinématographique. Ça te guide à travers ça. Je sais pas si en 95, les jumpscares existaient au cinéma. Ouais, ben tu sais, techniquement, ils existent depuis longtemps, mais c'était peut-être pas aussi exploité qu'aujourd'hui. Maintenant. C'est ça. C'est moins jumpscares. Il y en a au fur et à mesure de la série. Mais là, on met vraiment, tu as le contrôle, tu choisis le rythme auquel tu avances, auquel tu progresses, puis que le jeu avance, mais le premier zombie, c'est ça, t'as une petite cinématique, puis après ça, ah, fuck, là, j'ai contrôle, puis là, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Puis on fait toute la même affaire, ouais, on vide notre chargeur dans le vide, puis on a plus de munitions, puis là, il se lève, puis il avance vers nous, puis on fait fuck, et là, on quitte, et là, on catch que, contrairement à n'importe quel autre jeu vidéo, t'auras pas, genre, des guns à l'infini, là. Fait que là, tu viens de dépenser 5 ou 6 balles, t'es dans la marde, là. Les munitions sont très rares, puis on apprend rapidement qu'on survit en... Faut pas tuer tous les zombies, là. Puis, si je me trompe pas, le développeur, je pense, c'est Shinji Mikami. Oui. C'était vraiment brillant de sa part de starter le jeu de même. Le premier zombie que tu vois, tu sais, contrairement à beaucoup de platformers de l'époque où... Tu sais, graduellement, t'apprends les règles du jeu, t'es de meilleur en meilleur, mais il y a tout le temps quelque chose pour t'avertir, genre, oh, là, tu vas avoir à dealer avec ça plus tard. Mm-hmm. Là, ici, c'est l'inverse. On nous crisse direct dans le danger. On est comme les personnages. On est rapidement sans ressources. Fait que ça te fait rapidement comprendre que quand tu trouves des balles ou quand tu trouves de l'énergie, dépense-les intelligemment parce qu'il y en aura peut-être pas d'autres avant un esti de bout, tu sais. Puis l'idée de ça, ça crée de l'angoisse, ça crée de la terreur. Fait que c'est vraiment un coup de génie de sa part d'avoir fait ça comme ça. Puis tu mentionnes les munitions, les points de vie. Ouais, les plantes. Les plantes. Puis aussi le système de sauvegarde. Que ça aussi, c'est limité. Ah, ouais. On est avec des machines à écrire. Donc là, c'est des rubans d'encre. Puis à chaque fois, tu trouves un item, je pense que t'en as deux, normalement. Ouais. Donc ça aussi, c'est très limité. Ça aussi, ça te force à éviter comme le... ce qu'on est habitué à la fin d'un niveau ou d'un demi-niveau de « OK, je sauvegarde, je suis correct, non? » Ouais. Donc là, tu vas explorer, mais est-ce que tu vas explorer plus longtemps pour prendre la chance de gâcher ou non un ruban d'encre? Moi, je me rappelle, j'ai fait le 2 il y a pas si longtemps. Ouais. Puis j'ai fait une bonne run, j'ai exploré partout, puis là, je suis proche du save point, je vais aller juste voir dans cette porte-là, puis là, il y a deux Lakers qui me pognent, puis... Fait que j'ai quand même perdu plus qu'une heure et demie. Fait. Ah ouais, c'est ça, c'est pire. Ça t'apprend à doser puis à faire les bons choix. Puis, C'est encore pire que, mettons... Créer l'attention. Exact. Puis c'est encore pire que, comme tu l'as super bien dit, tu sais, mettons, ça avait été juste genre, tu peux te saver dans telle pièce. Fait que là, t'as peur d'aller trop loin, mais à la limite, t'en reviens une fois de temps en temps. Là, c'est comme, non, faut que tu gères combien de fois tu vas saver, tu sais. Ça, c'est terrifiant. Juste aujourd'hui même, cet aspect-là me ferait battre triper. Mais là, t'as dit que t'avais joué aux deux dernièrement. T'as-tu rejoué au premier aussi avant? Ça fait plus longtemps. Je l'avais jamais passé dans le temps, le premier. Okay. Quand j'avais loué, je m'étais pas rendu très loin. J'avais vécu l'expérience. J'avais vu qu'est-ce que c'était. Mais je m'étais pas rendu très loin. Parce que, outre les zombies puis le manque de ressources, il y a tout un élément d'exploration, puis de puzzle, puis de mystère. Il y avait un truc avec le piano. Tout le temps, tu vas à un endroit pour avoir comme la pierre qui va débarrer l'autre affaire. Mais là, je le dis de façon monotone, mais quand t'es investi, c'est intéressant. Puis ça a mis la base pour plein d'autres jeux. C'est peut-être d'ailleurs la chose qui a peut-être la moins bien vieilli dans le jeu, j'ai l'impression. Mm-hmm. Les espèces de puzzles complètement absurdes de genre... va chercher la feuille pour la mettre dans la peinture, qui va réfléchir dans la lumière, puis qui va ouvrir une gate. Là. On sait très bien qu'un poste de police, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, mais attends, dans le premier, c'est-tu dans le même environnement? Dans le premier, tu rentres-tu dans un poste de police? Non, c'est un manoir. C'est un genre de manoir abandonné, oui, c'est ça. Mais je me trompe pas, dans le 2, c'est un poste de police. On a hâte d'arriver au 2, on le connaît plus. Écoute, on peut y aller directement, parce que c'est quand même, moi je pense, c'est un landmark dans le monde du gaming, mais dans le monde culturel aussi. Oui. Tu sais, je me rappelle que, premièrement, tu dis Resident Evil, n'importe qui, tout le monde sait c'est quoi, tu sais. Puis c'est né là, dans le fond, là. C'est né à cause de ce jeu-là. Mm-hmm. Puis, si je peux apporter juste un contraste direct avec le modèle de sauvegarde limité. Ouais. C'est que dans Tomb Raider 2, qui est un bon jeu. Bien que Dark Souls Doom. Différent. Le frame rate est différent. Mais dans le Tomb Raider 2, t'offre l'option, même au PlayStation, il t'offre l'option de sauvegarder quand tu veux. Fait que mettons, à chaque saut différent que tu manques de mourir à chaque fois, j'étais comme super conservateur, puis je sauvegardais à tout moment. Ouais. Tandis que là, c'est l'autre extrême que non. Faut que tu sauves... c'est ça. Que si tu penses que tu sauvegardes à la bonne place, puis finalement, là, t'as une autre... Ouais. T'avances plus, puis t'aurais dû sauvegarder un peu plus longtemps, parce que le point que tu vas revenir pour faire toute la trail... C'est ça. Mais c'est Ink Ribbon-là, t'es ramassé dans l'environnement? Oui, c'est caché, c'est dispersé partout, comme des munitions, ça, comme des plantes. Ça, il n'y avait pas de manière d'en acheter, ou de non, genre... Non, c'est pas, ça, là, pas dans ceux-là. C'est limité, là. Oui. Dans les trois premiers, c'est ça. Ouch, c'est rageant. Ouais. Je trouve juste ça drôle qu'il marque sur ta copie parce que c'est le director's cut. Mm-hmm. Now supports DualShock Analog Controller. Ça me fait le même effet que quand j'étais kid puis je voyais des cartoons qui étaient marqués genre Now in color. Puis là, t'es comme, mon Dieu, c'est absurde aujourd'hui. Ce qui nous mène, t'es-tu prêt à aller dans Resident 2? T'avais-tu quelque chose à rajouter avant là-dessus? Le premier a été... C'est le premier qui a été refait au GameCube ou c'est un autre? C'est le premier qui a été refait au GameCube. C'est ça. Ouais. Puis une scène de rajouter avec un requin. Oui. Et le premier, d'ailleurs, je l'ai... parce que moi, je suis membre de PlayStation Plus. Oui, il a été refait au GameCube puis il a été fait au PS3 par la suite. Exact. Puis en fait, je pense que c'est PlayStation 2, je suis pas sûr. Mais bref, il a été offert aux membres de PlayStation Plus. Okay. Je dis tout le temps gratuitement, mais c'est pas gratuit parce que tu payes ton abonnement mmh. chaque mois, là. Mais il offre tout le temps comme 2 jeux gratuits par mois. Aux et okay. ils me l'ont offert. Et je l'ai downloadé. J'ai essayé de jouer, puis j'ai fait non, je pense que ça me prend un partner mmh. qui est full dedans, qui mmh. check. Pas genre un walkthrough sur YouTube, ouais. mais genre un fac ou tu sais quelque chose que pour qu'on soit deux là-dedans. Fait que j'étais comme, ouais. si ma blonde est dedans, au pire, on ferait ça. Mm-hmm. Mais jouer tout seul, c'était vraiment, tu sais, c'était une autre époque. Mm-hmm. Fait que... Le remake a de la super beau, super atmosphérique, mais très, très ou trop dur. Là. Ouais, c'est ça. Il est, t'as raison qu'il est magnifique. Puis tu sais, comme je l'ai downloadé sur mon PlayStation 4, mm-hmm. Il a pas vieilli, là, je veux dire, c'est mm-hmm. super beau. Mm-hmm. Le remake. Le remake. Oui. Puis, je sais très bien la scène du requin laquelle tu parles. Moi, j'ai fait de l'autothérapie de phobie de requin depuis une couple d'années. Puis, ça va vraiment mieux. Je suis capable de dealer avec ça maintenant. Même mm-hmm. que souvent dans des films d'horreur maintenant, quand il y a des requins, je suis comme, ouais, elles sont pas de même pour vrai. Parce que, tu sais, bon... capable de faire la différence entre okay. l'animal et le démon qui habite ma tête. Oui. Mais cette shot-là est vraiment rushante. Okay. Je me rappelle que je jouais avec un de mes collègues quand il est sorti sur le GameCube. J'allais mm-hmm. chez eux puis j'allais le checker jouer quand j'étais chez eux. Mm-hmm. Puis quand on est arrivé à ce bout-là, je rushais. Là. Je trouvais ça tough. Puis... T'sais, mes pieds touchaient pas le sol, puis je pense que j'y avais demandé d'arrêter, en fait. Je suis pas sûr, là, c'est, ma mémoire est floue, là, mais j'étais comme, moi, non, je rush trop, c'était pas le fun. Est-ce que tu sais si dans le remake le plus récent, PS3, PS4, ils ont gardé cette scène-là de requin? Ben, en fait, c'est que celui que je te parle qui a été offert à cause de PlayStation Plus, ouais, ouais. c'est un port. Du GameCube. OK, c'est ça. Okay. La version PlayStation 2, c'est un okay. port du GameCube. Mmh. Fait que c'est cette version-là. Mmh. Ils ont fait Resident Evil 1 et Resident Evil 0 oui. sur le GameCube. Oui, oui. Fait que c'est ça que j'ai. C'est pas un nouveau remake. Ça, on va en parler plus tard. Mmh. Il y a eu des nouveaux remakes de mmh. Resident Evil 2 qui est sorti l'année passée ou cette année. Il y a quelques mois. Très récent, ouais, c'est très récent. Et fait que c'est tout. Mais j'aimerais ça le jouer avec quelqu'un. Je parle ouais. du remake, là. Oui. Ouais, c'est ça. Je sais pas si on serait capable de le finir. Mais c'est ça, c'est que je pense que jouer à ça à deux... Le pire, c'est que, tu sais, c'est peut-être pas... C'est comme ça que j'ai découvert le jeu, mais genre, aller d'un chalet puis jouer à Resident Evil à deux, un qui a un... Tu t'imprimes mm-hmm. un fac, un walkthrough, là, tu sais. Mm-hmm. Pis si tu comprends pas, pis si tu dis non, mais il marque qu'il faut aller à gauche, pis que c'est pas à gauche, ben ça fait partie de l'intrigue, tu sais. Mais au moins, ça te donne une lancée, parce que sinon, je pense que ces mm-hmm. jeux-là sont intentionnellement, on est encore dans la première génération de PlayStation, sont intentionnellement faites pour durer longtemps, mm-hmm. pour que t'en ailles pour ton argent, dans le fond. Puis, ouais. tu sais, ça s'applique d'où, plus vraiment... D'où l'idée d'avoir deux campagnes dans le même jeu, de jouer deux personnages avec des variantes. Hein. Mais je parle aussi, tu sais, de la difficulté des puzzles, tu sais, c'était mm-hmm. pas intuitif, puis... c'est pas tout le monde qui avait accès à Internet dans ce temps-là. C'est ça, exact, tu sais, il fallait que tu t'achètes un guide ou, mm-hmm. tu sais, whatever, ou que tu gosses vraiment longtemps. Mm-hmm. Puis, on s'entend que ça s'applique plus vraiment à nos modes de vie d'adultes qui ont des jobs, puis mm-hmm. qui, tu sais... Est-ce que tu sens que la technologie d'aujourd'hui a ruiné l'expérience des jeux vidéo? Non, pas en tout. Eh boy, et qu'est-ce que non? Juste deux exemples, comme tu viens de dire que t'as pas accès à telle ou telle chose, d'avoir l'accès à... T'es bloqué un puzzle, tu regardes en ligne, ah ben c'est ça. Ah oui, mais où je vois la différence, par exemple, c'est que moi je le ferais sans hésiter pour ce genre de jeu-là, parce que je sais qu'à l'époque, l'objectif était pas le même. Mm-hmm. Mais tu sais, tu me dis, mettons, on joue à Resident Evil 7 ensemble, mm-hmm. en VR. Non. Là, je checkerai pas sur Internet pour aller voir comment battre le boss. Je vais vivre l'émotion avec toi, puis je vais te checker, battre, triper. Sauf que là, l'affaire, c'est que c'est pas en affaire de de se spoiler le jeu, c'est un truc ou de gâcher ton expérience, c'est un truc de genre d'avancer plus loin, t'es bloqué. C'est ça, ils ont intentionnellement fait une map complexe avec des portes barrées et de barrées à des endroits que là tu te rends à l'autre bout en pensant que c'était là qu'il fallait que t'ailles, puis là c'était pas là, puis là c'est comme ça, c'est pas le fun, ça fait pas partie du fun. Moi je pense que l'exploration jusqu'à un certain niveau, elle doit être super le fun dans les versions old school, je parle première génération de Resident Evil 1 et 2. Mais jusqu'à un certain point, je pense qu'à un moment donné, ça devient peut-être chiant. Quand, on peut procéder aux deux, peut-être, on embarque sur le deux. Oui. Ben, c'est ça. Toi, tu l'as jamais fini, premier? Non. N'importe quelle version, c'est ça? Non. Puis en fait, non, c'est ça. Ouais, non, j'ai à peine joué. Parce que je regardais G jouer, puis à chaque fois qu'il était comme, vas-y, essaye, Jake. J'étais comme, non. Je dessine, là. J'aime mieux vous en regarder. Parce que j'avais la grosse chienne. Ouais. C'était terrifiant. Mais la fin, ça se termine avec une autre production en prise de vue réelle, avec les mêmes acteurs qui s'en tirent vivants là, dans l'hélicoptère. Ah, je pense que j'ai jamais vu ça. Je vais aller quelque chose. Le même dévouement à l'art. Mais le pire, c'est qu'il faut que je le revoie. Je vais aller vraiment, après notre épisode, aller rechecker ça sur YouTube en travaillant, parce que je m'en rappelle, mais c'est fou. Non, mais c'est intéressant l'avenue que tu proposais, que tu vois juste ça, puis il va comme super grossier, puis caricatural, mais c'est ça, ça aurait été dans un autre jeu. Là. Ouais, exact. Fait que dans Resident 2, là, c'est complètement, je veux dire, le style est établi. Le style du survival horror sur le PlayStation a marché. Le modus operandi, l'histoire de base, c'est qu'on parle de zombies, mais dans le fond, c'est une corporation Umbrella. Ouais. Développer un virus ou des virus qui rendent les gens zombies, que ces gens-là veulent tuer, ces zombies-là veulent tuer les gens. Ouais. En gros, c'est pas mal ça. Le mais c'était quand même cool parce base, que de la manière que l'histoire a été révélée, c'était très lent et très mystérieux. Fait que, tu sais, aujourd'hui, ça a l'air niaiseux de dire ça, surtout à cause de tous les fucking films de zombies. Tu sais, faut penser que c'était avant 28 jours plus tard, c'était avant, genre, un paquet de trucs. À l'époque, les zombies restaient mystiques. Des choses passées. Puis aussi qu'on savait pas c'était quoi l'origine. Mm-hmm. Tu sais, dans toute la trilogie de Romero, c'est jamais expliqué. C'est-tu des démons qui sortent de l'enfer ou c'est un virus ou, tu sais... Pis là, tu sais, ici, on a comme de plus en plus d'indices que ça vient d'une corporation qui faisait des tests. Mmh. L'idée, là, pour vrai, est fucking bonne, est super brillante. Aujourd'hui, on le prend pour acquis, mais à l'époque, c'était comme... C'était vraiment du génie. C'était du génie. Ça ancrait ça dans quelque chose de réel. Genre, je sais que ça a l'air absurde quand tu vois un boss, que c'est un araignée géante ou un crocodile géant, mais à l'époque, pour un kid de 15 ans, tu fais comme, mais ça se pourrait, dans le fond. Mmh. Fait qu'il y avait comme un élément de réalisme mixé à ça. Puis, les personnages sortaient des archétypes de l'époque aussi, des action heroes. C'était pas des Rambo, des Arnold Schwarzenegger. Oui, c'était des on te le vend comme ça au début. Là. C'est vrai que dans le premier, ils sont très SWAT team action hero. Ouais. OK, je m'en reprends. Je m'en reprends plus tard. Non, mais on pense à Jill. Pas à Jill, mais à... Chris Redfield. Non, dans le 2, la fille, là. Jill Van Zandt. C'est Jill, la soeur de Chris. Non, ça c'est Jill, ça c'est... Hey, on a eu pas mal, là. Ouais, on donc... Non, ça, dans le 2, c'est Leon Kennedy puis Claire Redfield. Claire, Claire, voilà. Excusez. Fait que le 2 continue. Oui. Avec le même, on t'en offre plus pour ton argent, parce qu'en plus d'être deux scénarios, c'est deux disques différents. Voilà. Et... ce qui est merveilleux, c'est que quand tu finis un scénario avec un personnage, t'en déverrouilles un autre. Donc, finalement, on a quatre scénarios sur deux disques par personnage. Qui sont les deux autres personnages? Les deux autres. Que tu t'as Leon. Oui, puis t'as Claire. Claire. Puis là, tu débloques pas deux autres personnages? Non, tu débloques deux différents scénarios avec les mêmes personnages. Ah, OK. C'est ça. Parce que je pensais qu'il y avait aussi Ada. Dans celui-là. Elle est là-dedans, mais on la joue pas de façon comme un personnage principal. Okay, mais d'abord, il reste deux autres personnages qui sont possibles à jouer dans Resident Evil 2. C'est Pense à Tofu. Je pense à Hank et le bloc de Tofu. Parce que ça, c'est con, là. C'est une des premières affaires que j'ai entendu parler du jeu. Sûrement que ça a été spoilé d'un magazine. Mais quand on m'a dit qu'il y avait Resident Evil 2, c'est mon ami m'a dit, puis quand tu le débordes, tu peux débloquer un bloc de tofu, pis t'as un couteau, pis tu te bats comme des amis, pis je trouvais ça débile. Je trouve que j'étais comme, ok, c'est malade. C'est débile. C'est hot. Je ne sais pas s'il y avait d'autres jeux que Capcom ont fait avant, mais lorsqu'on termine un Resident Evil, on a une on est évalué par notre performance en temps et comment on joue, puis si on a pris beaucoup, si on a sauvegardé plusieurs fois, si on s'est healé beaucoup. Puis ça, si tu termines les jeux en peu de temps avec un bon pointage, ben là, tu déverrouilles des accès comme ça, des personnages ou des costumes ou des choses comme ça. Encore là, ça revient à ce qu'on disait tantôt sur la rejouabilité, oui, de forcer, là, tu sais, parce que des fois, tu le finis, mais là, t'es comme, ah, fuck, il me manquait, j'ai 2 heures de trop. Fait que là, comme tu le refais au complet pour débloquer un... C'est une toute autre approche, puis tu sais, il faut l'avoir vécu... Au départ, faut savoir où les choses se trouvent et tout. Moi, c'est, tu sais, je respecte l'idée, là, mais est-ce que ça me fait chier? Genre, tu sais, c'est comme Shadow of the Colossus. Ça a un peu lancé la culture du speedrun, là. C'est vrai. Ah, vu de même, c'est vrai. Vu de même, c'est intéressant. Mais tu sais, quand je focus sur Shadow of the Colossus, tu sais, comme t'as plein d'items à débarrer, mais faut que tu fasses des affaires super tough pour les débarrer. Donc, genre, jouer au jeu dans le mode le plus difficile puis battre les colosses dans le mode, tu sais, comme en le moins de temps possible. Oui. Mais là, t'es comme, tous ces items-là, à la fin, quand t'es là, t'es écœuré de jouer au jeu. T'as passé le jeu. Ben, c'est ça, tu l'as passé, repassé. C'est juste pour l'accomplissement, pour... Je comprends, mais il y a quelque chose de... C'est pas le résultat, c'est la quête. Je pense que ça... Ouais. Ça a bien évolué, ce côté-là, des jeux vidéo. Ouais. Mais t'es pas obligé de tout faire les trophées. Là. Non, mais je parle comme dans Shadow, ça te donnait des items. C'était pas juste des trophées, ça donnait des items qui changeaient le gameplay. OK. Sauf que, juste assez nuancé pour, tu sais, que ça révolutionne pas le jeu au complet. C'est pas un nouveau scénario, c'est pas un nouveau personnage. C'est genre, tu refais le jeu du départ, mais avec des items plus puissants. Avec une dague qui te laisse plus voir le rayon de soleil. Ouais. Tu sais, t'es comme, ah, ça fait chier. Ou un masque fait que les colosses ne détectent pas si t'es à, t'sais, si t'es derrière eux ou whatever. Mais bref, est-ce que je me trompe en disant que l'histoire de Resident Evil 2 est prise plus au sérieux? Oui. Oh oui, le ton a carrément changé. Il avait fait une version 1.5 bêta. Qui faisait le pont entre les deux, puis je pense que finalement ça n'a pas été publié même en démo, mais je pense que George Romero a fait une pub au Japon pour Biohazard 2, mais tu sais, c'était comme un flash de 30 secondes, puis c'est ça, je pense qu'il voulait faire le film plus tard, finalement ça n'a pas marché, hein. Mais oui, où le ton était vraiment différent des cinématiques du premier. Tu viens de me faire réaliser de quoi, c'est con, là, j'ai jamais pensé à ça. De manière générale, j'ai tout le temps préféré le titre Biohazard. Quand j'ai su que c'était ça le titre original en japonais, j'étais comme, pourquoi ils l'ont pas gardé? J'aime bien mieux Biohazard que Resident Evil, qui veut absolument rien dire, là. Ça veut rien dire, Resident Evil, tu sais. Ben, c'est peut-être l'idée de mettre ton Resident, c'est comme ton corps vide, puis tu mets le virus. Tu méchant mets... dedans, ouais. Tu sais. Mais en même temps, je réalise aujourd'hui que ça vend un peu le punch. Parce que au début, quand tu joues au premier, peut-être pas au deux, mais quand tu joues au premier, tu sais, qu'un Biohazard, ça te le dit, là. C'est chimique, c'est une expérience, c'est, tu sais. Tandis que Resident Evil, ça reste encore, tu sais, comme, on sait pas c'est quoi. Ouais, exact. Mais bref, je pense que j'aime mieux Biohazard quand même que Resident Evil. Fait que, toi, tu l'as passé dernièrement. Je vais plus te laisser aller sur celui-là, vu qu'il est plus récent dans ta tête. Oui. Mais le 2, j'ai tellement vécu de bonnes expériences. La première fois que j'ai fait, comme, dans le temps. Tu sais, on parle d'investissement, on parle de... Écoutez ça, gang. Ça, là, c'est une bouteille de sortilège que je viens d'ouvrir. OK, continue, donc, excuse-moi. Sortir ça de corps de zombie. Ouais, voilà. Non, c'est ça, j'avais pas terminé le premier. Le 2, je l'avais pris usagé quelques semaines, quelques mois après sa sortie, mais je me suis lancé dedans, puis pas de fac, pas rien, puis... Tu te rappelles-tu vraiment... quel prix tu l'as trouvé? Parce que j'ai l'impression que c'est un jeu genre qui vaut cher. Maintenant? Ouais. Non. L'original au PS2, non. Non, OK. Non, puis je pense qu'il est disponible sur PSN, puis bon... Le remake a été fait, mais bien, c'est pas ça. Mais je parle de ta copie originale que t'as, genre. Non, je pense... OK, parce que tu sais, des fois, on voit genre une copie de Final Fantasy VII à genre 600$ ou... Non, ça n'existe plus. OK. C'est peut-être les Highlander puis les Lunar, comme on a vu tout à l'heure. Ouais. OK. Mais non, on rentre tout de suite avec une cinématique que les zombies ont pris d'assaut la ville, que les deux personnages principaux, Leon et Claire, sont séparés. Le poste de police, c'est comme le point de ralliement, puis à partir de là, ben, on explore, puis on y va à fond. Là. Puis une affaire que je trouvais cool dans l'histoire, c'est que Leon, c'est sa première journée de job. Puis c'est con, mais c'est un petit détail que je trouve que ça y rajoute encore plus de genre, pauvre gars, c'est sa première fois, man. Plus tard, c'est pas une vraie police, là, tu sais. Plus tard, t'as accès comme à la salle des policiers, puis y a comme une note, genre... C'est ça, en fait, ils avaient organisé comme un party d'accueil, ils sont tous rendus zombies, tu trouves la note, puis « Hey, bonne première journée! » Ah, wow! Il y a ça dans l'original! Ben oui. Ah, c'est brillant, c'est... Mais c'est ça, c'est que moi, le deuxième, je le connais très bien, mais je l'ai à peine joué. OK. J'ai joué une partie de la campagne de Leon, mais encore là, c'est à l'époque que j'avais pas de PlayStation, j'avais pas de console, fait que je jouais chez des amis quand ils m'invitaient. Fait que tu sais, Resident Evil, c'est ça, Resident Evil, c'est un jeu tough à embarquer, comme les gros RPG de l'époque, là. Tu peux pas jouer 2 heures puis après ça, tu sais, à la prochaine. Fait que tu sais, ça prend un moment de, fait que je l'ai plus testé pour le fun. C'est que ça, jouer. J'imagine. Moi, je l'ai vécu vraiment seul, pis t'sais, comme en bonne condition, pis ça doit être le fun avec des amis, mais ça doit être différent. Là. Ouais, parce que toi, c'était quoi ton émotion quand tu jouais? Ben, j'étais tout seul en cave, pis t'sais, pas de distraction, rien, pis c'était investi, pis... T'étais dedans dans tabarnak, là. Ouais. Il y a un jumpscare que je me rappelle qui est efficace à 6 balles, mais qui est vraiment plus loin dans le jeu, là. OK. Parce que le gros jumpscare classique, c'est les chiens qui traversent la vitre, là. C'est dans le premier. Ça, c'est après le zombie que là, tu vois qu'il y a des éléments de danger qui vont un peu plus vite que le zombie. C'est ça. Ça, c'est battrippant d'hostie. Fait que c'est ça. Je pense que le mot du jeu, c'est la survie. C'est pas de tirer sur tout ce qui bouge, mais t'es démerdé comme tu peux, là. Ouais. On a rapidement passé là-dessus aussi, mais les contrôles étaient très différents des autres jeux de l'époque. C'était ce qu'on appelle des tank controls. Ouais, c'est très rigide. C'est en haut pour avancer, puis si tu veux tourner à gauche ou à droite, fait que tu repositionnes ton personnage sur l'axe d'X, Y ou X. Si tu passes sur derrière, marche, tu fais des pas vers le derrière, fait que faut vraiment que tu tournes gauche à droite, puis après, tu pèses par en haut pour avancer. Puis, tu sais, vu que c'est une caméra fixe, c'est-à-dire qu'elle change de point de vue dépendamment de t'es où dans l'environnement, puis elle va souvent se placer à des places vraiment weird, aussi creepy. Mm-hmm. Fait que t'es constamment déstabilisé, même si, tu sais, c'est weird, parce que des fois, tu vas peser par en haut, mais le personnage va à la gauche, tu sais, à cause de l'angle de caméra. Fait que ça aussi, puis ça, il paraît que c'était voulu parce que, pour des raisons techniques, mais après ça, ils se sont rendus compte que ça déstabilisait encore plus le joueur. Mm-hmm. Parce que ça arrive souvent que tu vois un zombie, puis là, tu recules un peu, puis là, ça change de plan de caméra et tu vois ton personnage, mais tu vois plus le zombie, tandis que tu sais qu'il est devant toi, tu sais. Fait que les contrôles viennent de changer, mais t'es habitué à ce que t'étais dans la salle précédente. C'est ça, puis ça, c'est que la panique vient direct. Rappelle-moi, comment tu fais pour viser? Parce que c'est comme semi-automatique, hein, C'est ça, t'as accès au menu, tu vas chercher tes armes, si t'as pas de pistolet ou d'autres armes plus puissantes, t'as toujours ton couteau qui est faible, mais qui est toujours là. Ouais. Quand t'équipes ton gun, tu pèses sur R1 pour le monter, puis ensuite tu vises, puis ensuite tu pèses sur le bouton pour tirer. Là. Sauf que je me rappelle qu'on pouvait faire des headshots. Oui, tu pouvais... En visant sur R1, tu peux soit peser par en bas pour viser les jambes, peser par en haut pour la tête. Là. Donc, pour faire un headshot, fallait vraiment qu'il soit dans l'angle. Ouais, mais c'est plus avec le shotgun que tu vas faire le headshot. Ah, ok, ok. Ouais. Tu vises vers le haut, puis vu que c'est large. Ouais, mais il faut que ce soit très, très proche de toi. Là. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça. C'est ça, je me rappelais que c'était tough, puis en même temps, c'est super dangereux de faire ça. Les fenêtres d'opportunité, puis les headbox, c'est dur à gérer des fois. Fait que tu te fais mordre, tu perds. En plus de perdre de l'énergie, ton pattern de sonnage ralentit. Ouais. Fait que si t'es sur le bord de crever, même si tu cours, ben, tu vas pas loin. Ouais, ouais, ouais. Puis aussi, c'est ça, c'est que ton énergie, en fait, plus tu te fais attaquer, plus ça joue sur les contrôles aussi. Mm-hmm. À la fin, tu sais, comme tu peux, t'es quasiment en train de ramper, me semble, là, quand t'es sur le bord de crever. Là. C'est ça. Fait que, juste ça, tu sais, comme, le stress est là. Le bad trip est là. Puis c'est weird. Puis quand tu sauvegardes, puis tu recharges ta game, t'as les mêmes points de vie. Ça, y a rien qui reset pour t'aider. Là. Ouais. C'est survival horror. Le survival, il est très fort là-dedans. Puis j'ai tout le temps trouvé ça weird que c'était des herbes puis des plantes qui te guérissaient. Ben c'est cool quand même. Hein? Ouais. Ouais. Et où la logique là-dedans? Ben... Moi, ça me fait vraiment penser à genre les poulets pis les cerises à l'arcade, là, genre qui te donnent de l'énergie dans Donkey Kong. Attends, comme ça a pas. Je comprends que ça prend de quoi, mais c'est quoi le rapport de bouffer des plantes pis ça? Ouais. Ben c'est un peu l'herboristerie pis pas l'alchimie, mais je veux dire que tu peux faire des mélanges plus tard, pis que si t'en mets une plante bleue, ben si t'es infecté par le virus, ben ça te guérit. Puis si tu mêles avec une plante rouge, ben ça fait un. Ouais. Un truc plus puissant. Mais je suis curieux. Mais plus tard, t'as des trucs de premiers soins plus concrets, plus. Comme une trousse de premiers soins. Ouais, c'est ça. Parce que ça, c'est quoi que les jeux vidéo ont tout le temps eu la difficulté avec narrativement, parce que ça a aucun sens, là, d'être magané pis de prendre un produit ou un. Ben, faut juste un icône qui qu'on reconnaît facilement pis qui soit égal ça, genre, là. Ouais. Mais dans un élément comme un peu plus réaliste ou creepy ou ça devient weird. Moi, j'ai l'impression que, peut-être que je suis dans le champ, mais j'ai un feeling que ils ont pensé à mettre des seringues pis que c'était comme trop, genre, ça a l'air comme s'ils prenaient de la drogue, là. Mais ça aurait plus de sens, tu sais, t'as un virus, t'es infecté, t'as une seringue bleue ou une seringue rouge ou whatever, tu te mets ça, t'es comme « Ah ouais! » Moi, je pense que oui. Sûrement quelqu'un qui... Le pire, c'est que j'ai joué à un jeu dernièrement que c'est ça. Ton énergie, c'est que tu te shots des shots d'adrénaline dans le... Ah, mais c'est Metal Gear. Dans le dernier Metal Gear, il y a ça. Tu peux t'injecter de l'adrénaline, puis là, t'es comme... Ah, puis là, t'en repars pour un bout. OK. Ouais. Puis de la morphine quand t'as fini. Ouais. Non, c'est qu'il fume un cigare électronique, puis il paraît que c'est du weed qu'il y a dedans, parce que ça change la temporalité, ça fait passer le temps plus vite. Fait que... T'as-tu d'autres choses à dire sur Resident Evil 2? Resident 2, oui. On y va vraiment à chaud, là. On n'a pas de notes, puis on voulait juste... Non, puis tu sais, on a beaucoup à faire, puis moi, honnêtement, tu sais, comme j'ai plus de trucs à dire sur le 4 et sur le 5, ouais. Fait que tu sais, on peut avancer, mais si tu as plein d'affaires à dire, vas-y. Que je pense que quand on accède aux deuxièmes campagnes, quand on a passé le jeu une fois, les deuxièmes campagnes, t'as un genre de Mr. X, qui est là dans le remake aussi, l'espèce de gros colosse. Oui. Que lui, c'est ça, c'est pop à n'importe où, puis quand tu le vois, t'es dans la merde. Ouais. Puis la musique aussi joue beaucoup. Oui. La musique joue beaucoup, puis juste quand tu le vois, une fois que tu l'as vu, le thème, il reste. Fait que même si tu vas dans 2, 3, 4 pièces plus tard, le thème est encore là, il peut te poursuivre, puis il peut jouer. Là. Ça, je me rappelle que c'était... Fait que ça joue beaucoup sur ce que tu vois pas, là. C'est ça. Ce que t'appréhendes. Ça, c'était révolutionnaire à l'époque. J'en avais parlé à mon père, parce que mon père, pour ceux qui ne savent pas, est compositeur de musique. De musique contemporaine, en fait. Fait qu'il est bien gros dans l'exploration sonore, puis dans la technologie, puis tout ça. Puis là, j'étais comme... Il y a un jeu... que tu sais c'est comme une trame sonore de film mais elle change dépendamment de ce que tu fais dans le jeu tu sais puis j'étais comme quand il y a un ennemi qui arrive c'est comme un avertissement ou un quasiment un leitmotiv tu sais puis là j'étais comme asti je trouvais ça fascinant puis je parlais de ça puis il était comme bien intéressé par ça j'étais comme achète-moi le puis il voulait pas je sais ah comment parce qu'en dehors des cinématiques je pense que la plus part du jeu se déroule sans musique, sans accompagnement musical, ce qui ajoute à l'attention, t'as vraiment les pas sur le plancher ou les différents comme, matériaux que tu marches. Quand il y a de la musique, ça ponctue comme ça, mais je pense que c'est plus rare. Là. Ouais. Puis, faut se rappeler d'ailleurs, je pense qu'on même on pourrait la faire jouer, si tu le trouves, l'effet sonore de changer de pièce. Avec les portes? Ouais. Comme les pas de marche? C'était... C'était super lent. Ouais. Et quelle... Tu savais pas ce qu'il y avait de l'autre bord. Là. Exact. Puis quelle manière brillante de transformer un défaut technique, parce que c'était du loading, dans c'est le fond. C'est une mutation. Mais de transformer ça en tension puis en build-up. Puis tu sais, aujourd'hui, on trouverait ça peut-être chiant, mais encore une fois, à l'époque, je parle aux enfants qui nous écoutent. Là. Arnaud, écoute ça. À l'époque, c'était tellement stressant parce que tu sais pas c'est quoi qu'il y a de l'autre bord. Puis des fois, ça se peut qu'il y ait un fucking ennemi. Il y avait ça aussi dans le 2. Le truc des portes. Oui, c'est ça. C'est resté jusque plus tard dans la franchise. Ok. Heureusement, dans le 2, ils ont ajouté une option de se virer à 180. Fait que pas à tourner complètement dans bonhomme, tu fais... Quand t'es en train de te faire... En bas carré, puis ok, tu fais comme, non, je reprends la porte. Ouais. Mais tu sais, juste, il y a un endroit, t'as un escalier que tu peux monter, mais c'est pas une cinématique, c'est dans la même pièce, c'est juste que t'as deux étages, puis tu fais juste entendre un petit râlement de zombie, puis là... Ok, si j'en tue un, y en a-tu d'autres? Qu'est-ce que je fais? Tu sais, je vois-tu là où je refais toute la grosse run que je viens de faire avec les ennemis? Fait que. Des choix et des décisions. Ouais. Puis tu sais, là, évidemment, dans le 2, on peut passer rapidement au 3, mais tu sais, là, avec ça, ça a créé une nouvelle vague de survival horror. Ils ont vraiment fait l'assise de ce qu'ils avaient lancé avec le 1, ça, c'était comme leur. Leur magnum opus, c'était comme on va mettre le paquet. Parce que entre-temps, il est aussi sorti un des gros jeux survival horror, j'aimerais ça qu'on parle un moment donné, Silent Hill. Oui. Puis Silent Hill, ça a eu un impact énorme aussi sur le gaming. Puis, tu sais, c'était une réponse directement à Resident Evil. Mm-hmm. Fait que j'ai l'impression qu'il y avait un peu de ça aussi, de faire comme, hey, là, attends, là, c'est nous autres les kings du survival horror, on va mettre le paquet. Capcom, tu sais, Capcom, ça a tout le temps été une compagnie qui fait beaucoup de franchises, beaucoup de gens en même temps. J'ai l'impression, moi, qu'ils ont mis comme les bouchées doubles là-dessus, faire comme, OK, on met toute notre meilleure team, là, faut que Resident Evil soit 2. Faut que Resident Evil 2 soit hot. Et puis, ils ont réussi, là. C'est un des meilleurs jeux de cette année-là, là, facilement. C'est ça, mais j'ai pas encore joué à Silent Hill, mais même si c'était dans le même genre, je pense que c'était pas... Ça peut être vu comme une compétition, mais je pense que c'est deux jeux comme les deux, c'est leur propre affaire. Complètement. Ben, un a clairement influencé l'autre. Oui. Konami ont vu le succès de ça puis ont fait Silent Hill, mais c'est ça. Si un est plus mais de façon comme plus inspirante que concurrence directe contre copie avec un autre nom. Là. C'est ça. Ça crée, tu sais, comme deux sous-genres, mais tu sais, ça reste du survival horror, les deux. Mais si Resident Evil est plus horreur classique gore, à la limite action, parce qu'il y a quand même, tu sais, des rocket launchers à la fin, Resident serait plus dans la tête. Serait Silent plus psychologique. Silent Hill, oui. Excuse-moi. Okay. Oui. C'est mêlant, on va venir parler de ces affaires-là, hein, des vieux jeux. T'es-tu prêt qu'on parle de Resident 3 un peu? Parce que c'est celui que je connais le moins, le seul affaire que je connais de ça, c'est le concept de Nemesis. Le jeu s'appelle Nemesis. Je sais pas c'est qui le personnage principal. C'est... Elle a une petite robe bleue. Et je me rappelle qu'il y a eu un port, genre, c'était pas sur 64, ou genre, il y a eu un port weird de ça, là. C'était GameCube, je pense. C'était GameCube, ok, ouais. Ouais, je pense que... Ils ont fait le 2 64, mais pas le... Ok. Ouais. Ouais, ça a vraiment continué dans la même lignée. Puis c'est ça, je pense que le gros changement ou défaut, un peu, c'est justement le Nemesis qui est comme le gros Bottom Kool-Aid qui arrive du mur, puis oh yeah! Puis il veut te tuer, là. Ouais. Mais il arrive trop souvent. Fait qu'ils ont, ils ont misé un peu plus sur l'action. Ouais. C'est une bonne campagne, mais c'est ça, il y a quelques lacunes. Puis même, j'arrivais à le terminer, puis j'ai eu accès comme à un gun assez puissant, puis je l'ai refait, mais même à ça, il me faisait encore chier. OK. Ben, parce que c'est ça, c'est, ce concept-là, il est fascinant, mais si tu le surutilises à un moment donné, c'est comme too much. C'est ça. Puis l'autre chose, c'est que dans celui-là, le 3 posait souvent des décisions, c'est-à-dire que t'as 2 secondes, est-ce que tu fais telle action ou tu fais telle action? Est-ce que je pêche dans le trou ou est-ce que je me sauve par telle affaire? Okay. Fait que c'est des embranchements différents, tu vas voir d'autres environnements. Ultimement, tu vas arriver à la même place, mais c'était comme t'avais des choix. C'est ça. Ça encourage la rejouabilité à essayer. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression, puis tu sais que peut-être que je suis dans le champ, mais j'ai vraiment l'impression qu'après le succès de Resident Evil 2, ils ont fait comme check. On le sort ensuite. Ouais. Plus les graphiques plus hautes, tu sais comme on fait un bigger better, mais il manque de quoi dans celle-là qu'il y avait dans les deux autres d'avant. Il manque la petite touche Shinji Mikami, je crois. Puis je pense que c'est lui qui l'a designé le pire. Mais on dirait un jeu un peu fait sur commande. On dirait, ça s'était fait plus rapidement. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il était plus court ou pas vraiment? Ben, t'as un personnage, t'as pas d'autres campagnes vraiment. Je pense qu'il se passe plus rapidement une fois que tu sais tout aller. OK. Mais quand même bien, mais parce qu'il pouvait pas accoter le 2 après. Là. OK. On va prendre une mini pause. Oui. Est-ce que je suggère une chanson? Oui, c'est une toune, oui, vas-y. J'aimerais qu'on entende une toune. Ça a rien à voir avec Resident Evil, malheureusement. Je pensais j'essayais depuis tantôt de trouver de quoi. Puis ça a plus rapport avec un band que je veux te faire découvrir, toi. Ah. Fait que. Allons-y de genre tout le monde. Oui, fait que c'est une toune de 1 minute 12 à peu près. Okay. Et j'ai nommé Lorne Vestige. Okay. La toune s'appelle Vestige 2. OK. Vestige 2, très comment. OK. Et c'est juste parce que je veux te faire découvrir ça. Je trouve que c'est un band. Ben en fait, c'est un gars qui fait de l'électro dark, qui fit pas mal dans mes sensibilités à moi. Cool. Ça fait très trame sonore de cyberpunk qui a mal viré. Il y a des bugs dans ce musique-là. C'est chiant. Okay. Cool. Fait que voilà, je te fais écouter ça, on prend une pause, puis on en revient. Merci. That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Barry, thanks for saving my life. Là, on arrive à la deuxième partie, qui est en fait une renaissance en même temps de Resident Evil. Je sais pas à quel point Shinji Mikami était impliqué dans Resident Evil Nemesis, c'est-à-dire le troisième, mais je sais qu'il était fucking impliqué dans le 4, puis c'était comme un événement quand le 4 est arrivé. Mikami, c'est un peu le chef d'orchestre depuis le départ. C'est le créateur. C'est le créateur de Resident Evil. Et qui était impliqué dans tous les jeux. Ben c'est là qu'on arrive, parce que lui puis un de ses collègues, qui le nom m'échappe, qui est en fait le créateur de Devil May Cry. Mm-hmm. C'est que après Resident Evil 3 Nemesis, la compagnie Capcom, ben évidemment on a changé de plateforme, on est rendu au PlayStation 2, et clairement il y avait comme une espèce de restructuration qui était demandée, puis on essayait de changer de direction, tu sais. T'as tantôt dit que le 3 avait plus un peu le côté action. Un peu plus action, oui. Mais c'est qu'ils ont fait un test, puis ils ont engagé un autre designer, que là, son nom m'échappe, le créateur de Devil May Cry, pour que je pense qu'il a travaillé sur les autres avant, mais il a essayé de diriger un Resident Evil qui était vraiment genre de l'action sans arrêt, on décapite des zombies, on a des chainsaws, on jump dans les airs avec nos guns, et on revient à l'aspect plus caricatural de l'intro du premier. Ouais, mais c'est ça, c'est un peu genre la suite logique, parce que la série s'en va de plus en plus vers là, et l'industrie s'en va de plus en plus vers là aussi. Tu sais, il y en a eu beaucoup de survival horror. Puis là, les gens, finalement, ils veulent, tu sais, comme de plus en plus des jeux d'action extrêmement dynamiques. Puis c'était tellement loin de Resident Evil que c'est devenu Devil May Cry, mais... Ouais. Mais à la base, c'est ça, comme tu dis, c'était censé être le prochain, là. Exact. Oui. Puis même, on peut, petit trivia comme ça, si vous jouez à Devil May Cry le premier... vous pouvez voir plein de similitudes, là. Tu sais, juste dans la structure, encore les là. Portes. Les portes. Oui. Les caméras fixes. Puis surtout, le premier environnement qui est une espèce de, c'est un château. Ouais, c'est un château, mais qui a exactement la même structure que le poste de police de Resident Evil 2. Ça start pareil, là, avec l'angle, puis t'as comme la grosse statue au centre avec les marches qui montent sur les côtés. Okay. Évidemment, c'était comme un petit peu trop loin de Resident Evil. Et là, dans le ton. Shinji Mikami revient, parce que je pense que c'est comme, je suis pas sûr mes affaires, mais je pense qu'il avait quitté au 3. On n'a pas de notes, on n'a pas fait de recherche. On fait ça avec le cœur. Checkez ça sur Wikipédia, là, si ça vous intéresse, mais, bref, il revient avec un nouveau concept de Resident Evil. Puis moi, je m'en rappelle parce que, à l'origine, je pense qu'il était sorti sur le GameCube. Oui. Mais on était en plein Switch, genre le PlayStation 2 venait de sortir. Puis même, tu sais, comme la Wii s'en venait tranquillement, là, tu sais, c'était déjà en préparation, et fait qu'il est arrivé en fin de génération de console. Okay. C'est un des derniers jeux qui est sorti sur la GameCube, je me rappelle, puis tout d'un coup, on n'a plus de caméra fixe, on est en third person. Dans l'ère où il y a beaucoup de third-person shooters, on se rappelle que là, tu sais, évidemment, Call of Duty est là, t'es Medal of Honor, toutes les first-person shooters de guerre, mais les third-person sont rendus, comment je pourrais dire, très fluides, très action, très... Puis là, Shinji Mikami nous présente une idée qui est de faire un Resident Evil en third-person où... La caméra est juste derrière l'épaule. Elle est juste derrière l'épaule. Puis ça, bizarrement, ça marche autant parce que tu te sens comme tout le temps coincé. On dirait que le personnage prend de la place dans l'écran. On dirait que, genre, t'as tout le temps envie de te tasser. T'sais, comme t'as envie de te tasser à la tête pour aller voir ce qu'il y a derrière. Mais l'affaire la plus surprenante, c'est que on reprend le personnage de Leon Kennedy. Du deuxième. Puis là... On le met dans un village qu'on dirait qu'il se passe en Amérique du Sud ou en... C'est pas clair, c'est comme une place fictive. Puis là, tout d'un coup, il tire pas des zombies qui lui manquent un bout de bras ou un bout de face ou des zombies monstrueux. Il est en train de tirer des paysans. Ouais. Puis là, on est comme d'un visage... J'ai dit Amérique du Sud, mais c'est peut-être plus espagnol, je sais pas. Là. C'est comme en campagne. Ouais. Du monde qui parle d'une autre langue. Et il y a un dude débile dans ce village-là. Un sac de patates sur la tête. Un sac de jute sur la tête. Et une énorme chainsaw. Puis c'est ça l'intro du jeu. Puis tu comprends pas encore c'est quoi le lien. T'sais, on parlait de l'histoire qui est en train de se développer de plus virus, en plus. Oui. Avec le Umbrella Corporation. On a de plus en plus de personnages qui jouent là-dedans. Puis là, on fait comme... What the fuck? Comment que c'est, ça a pu arriver là? Là, c'est comme... Il est en train de tirer du monde d'un village. Tu sais, comme, en, bref, des paysans, tu sais, pas juste du monde comme louche ou méchant, c'est comme, ça a l'air, tout d'un coup, on dirait que c'est inversé, on dirait ouais, que c'est... beaucoup plus direct, il y a beaucoup plus de munitions, il y a beaucoup plus d'ennemis, c'est mis sur l'action, mais, c'est pas Devil May Cry, là. Non. C'est très rapide, c'est très, sauf que y a une particularité du jeu qui est vraiment brillante parce que le jeu est développé comme ça, c'est que aussitôt que tu vises, tu peux plus bouger. OK. Tu peux bouger ton curseur, donc où tu vises, mais t'es plus capable d'avancer, de reculer ou je me trompe-tu? J'ai ce feeling-là. Ça fait très longtemps que j'ai joué. Ouais, ça fait longtemps que j'ai joué aussi, mais je pense que oui. Je pense que peut-être quand tu vises, tu peux peut-être faire des petits pas, mais quand tu tires, c'est absolument impossible de te déplacer. Donc, ce que ça veut dire comme gameplay, c'est le terme qui a été utilisé par après pour Gears of War, qui est du block and pop. Block and pop. Ouais, block and pop. Ça veut dire que... hide and shoot. Des Hidachou. Tu vois l'action, tu vois tes ennemis qui s'en viennent, c'est le chaos. Puis là, tu te places à quelque part, tu popes tout le monde, tu tires tout le monde, tu te redéplaces, tu sais. T'arrêtes, tu popes tout le monde. Fait que du block and pop. C'est comme de faire un arrêt sur l'image, puis 5 secondes. C'est ça. Puis, heureusement, le jeu, il est balancé à cet effet. Fait que c'est vraiment un jeu, d'ailleurs, tu sais, si on peut y donner une grosse qualité, c'est le peaufinage de ce jeu-là est absolument incroyable. Je me rappelle que dans les premières fois que j'ai joué, j'avais invité des amis, puis je pense que c'était là, puis on avait joué genre à deux ou trois, puis un moment donné, tu sais, comme quelqu'un était mort, puis elle fait « Ah, oh, mais là, ça compte pas », puis j'avais fait « Non, check, t'as-tu entendu le son ?» qu'il y avait juste avant, c'est comme le son avant que ce truc-là frappe, puis tu sais, comme, c'est un jeu qui est pensé dans le détail, puis qui est pas injuste. Tu vas jamais mourir par la faute d'un bug ou par la faute d'un... Puis à cette époque-là, la fin de génération de la console, c'est quand même rare des jeux de même. Tu sais, comme, il y a beaucoup de jeux à l'époque qui sortaient, qui voulaient être comme violents ou action ou whatever, qui était un peu, c'est comme... Il y avait sûrement l'équipe puis la machine derrière pour assurer un produit de qualité comme ça, là. Oh oui. Certains comparés aux deux premiers, on est moins dans l'ambiance, dans l'atmosphère, mais c'est quand même bien dosé dans l'action, comment tout se déroule, puis je pense, en tout cas, c'est le premier dans les Resident Evil, il y a des séquences qu'on appelle le Quick Time Events, que c'est une cinématique, puis pèse les bons boutons dans le bon ordre si tu veux réussir ou non. Moi, personnellement, j'ai tout le temps haï ça, mais je trouve que dans le premier God of War puis dans Resident Evil 4, ça marche. Okay. C'est pas assez présent pour que ce soit lourd, puis c'est pas... je trouvais que ça, au contraire, ça gardait, parce que des fois, tu penses une cutscene, puis là, genre, t'es comme, faut que tu penses sur A ou sur X, vite, t'es comme... Moi, je trouvais que ça marchait. Moi, personnellement, je l'ai fini deux fois, ce jeu-là. Oui. Puis, j'ai capoté à chaque fois. Je trouve que une des plus grosses qualités du jeu, c'est le pacing. Tu sais, juste l'intro, on se tente jamais de la refaire, là, est tellement intense dans le style village avec la chainsaw. Puis, tu sais, comme plus tard, t'as comme des... des nouveaux levels qui t'amènent à des complètement des nouvelles ambiances. Tu sais, il y a un moment là que c'est de l'horreur gothique. Là. T'es d'un château avec des genres de moines satanistes qui te poursuivent. C'est très Lovecraft aussi, là. C'est très... On s'éloigne de plus en plus de, du zombie traditionnel. Puis du virus, là. C'est vraiment... Plantons un démon qui infiltre la communauté. Puis ce qu'on comprend dans l'histoire, c'est que dans le fond, tu sais, comme ce virus-là a été testé à des places... qui étaient comme des c'était très pauvres, whatever, puis les gens ont développé un culte autour, tu sais, tout là, c'est fucking brillant comme concept là, tu sais. Et c'est ça, le premier village que t'envahis ou auquel tu fais face, on dirait que c'est figé dans le temps là. Ouais. On voit que les autres personnages, que Leon, c'est le temps présent là. C'est ça, t'es quasiment au Moyen Âge par moment là. Puis, je sais pas, il y a un rythme, ce jeu-là, il est le fun, il est bien balancé, l'histoire est bonne, graphiquement, à l'époque, c'était hallucinant, je me rappelle que j'étais comme, faut que je prenne des screenshots de jeu-là, tu sais, comme, en référence, tellement que c'est beau, genre, les couleurs, la lumière. C'est ça, je pense qu'il y avait atteint un point avec cette technologie-là, qui pouvait faire les cinématiques avec les graphismes de jeu, donc, justement, de les ponctuer avec des quick time events qui te, wow! Ouais. Okay, non, c'est moi qui joue. Ouais. Puis moi, tu sais, comme personnellement, j'ai tout le temps eu de la misère avec Resident Evil quand ça devenait un petit peu trop, justement, quand il y a des créatures genre semi-fantastiques. Là. Mm-hmm. Ici, on a le... C'est pas d'autruche. Non, mais on a le troll de Lord of the Rings qui fait une apparition. Je sais pas si tu te rappelles du le méga géant. Oui, exact. Ouais. Ça, c'est la seule affaire qui m'a tout le temps gossé dans Resident Evil 4. J'étais comme, c'est quoi le rapport, là? Puis tu sais, comme, je comprends Nemesis, je comprends, c'est comme, mais ça, c'était vraiment le troll de Lord of the Rings. Il était pareil, là. Méga gigantesque. Ouais, il est géant, puis... Ça, c'est peut-être le fight le moins intéressant de tout le jeu, mais sinon, je veux dire, il y a des parcours là-dedans absolument incroyables. Puis t'es fouilles-tu les caisses avec ton petit couteau? Tu casses toutes les caisses avec un couteau. T'as-tu déjà essayé de casser une caisse avec un couteau, même? Non, ben... J'ai pas un coffre gothique moyen d'âge. C'est pas de même, ça marche. Tu peux pas donner un gros couteau d'une caisse en bois pis à sauver. Mais c'est pas important. Le jeu, il est fucking badass pareil. Pis pour vrai, c'est comme... Moi, c'est sûr que j'ai moins joué aux trois premiers qu'à celui-là. Celui-là, je l'ai fini deux fois, mais... J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec celui-là pis qu'après ça, retourné au premier jeu plus atmosphérique d'ambiance, ça fait un clash. Ça. Ouais, mais c'est ça, c'est que ce jeu-là, en même temps, c'est une renaissance parce que tu sais, il y a eu un énorme succès, il a inspiré un nouveau type de gameplay. Tu sais, je pense à Gears of War, c'est complètement inspiré de ça. Il y avait aussi Dark Sector qui était sorti, qui était vraiment inspiré de ça. T'as une même caméra, même type de, tu sais, on dirait un peu que tu bouges sur des rails. Dans le bon sens du terme, je sais que c'est bizarre de dire ça, là, mais... On... Quand même une liberté d'explorer. Là. C'est ça, on n'est plus avec les tank controls des trois premiers. Mm-hmm. En même temps, c'est le premier jeu qui a été la chute de Resident Evil par la suite. Parce que je pense que ce jeu-là, comme par rapport au matériel d'origine. Exact. Ouais. C'est que ce jeu-là, il devient plus du survival horror. C'est... par bout très atmosphérique, mais c'est du survival action, puis beaucoup d'action, puis pas tant de survival. Fait que finalement, le survival horror, il est vraiment loin. À l'époque, c'est sorti, c'était le fun, ça, parce que, tu sais, c'était comme, c'était différent. C'est rafraîchissant. Mais par la suite, on sait qu'est-ce qui est arrivé. Toi, c'est quoi ton expérience un peu avec ce jeu-là? Je l'avais connu sur le tard, mais je l'avais fait... tout seul, sans amis. Puis, Je me rappelle, t'habitais à Montréal. Ouais, c'est ça, je pense que je venais d'arriver à Montréal, puis c'était... Ouais. Tu l'avais fait Ouais, non, j'avais souvenir, j'étais d'avoir un nouvel job, puis comme c'est ma fête, puis là, je me suis payé un jeu, puis un disque. puis un moment de solitude. Faut le dire, non mais c'est vrai, tu sais que tu venais d'emménager à Montréal, c'est super cool puis tout, mais c'est que moi je suis pas là. Non, c'est ça, j'avais un moins grand cercle social ici. Mais non, ça fait du bien de tomber sur un jeu de qualité comme ça. T'as-tu c'est comme un moment mémorable qui ressort plus en te rappelant rapidement du jeu de même? Là. Je sais que ça fait longtemps puis qu'on fait ça vite, là, mais genre une scène que t'es comme ah ouais, ça c'était malade. Pendant que tu y penses. Ça fait longtemps, mais non, je pense que c'est juste le début, puis comment la courbe du départ, comment c'était changeant des jeux que je connaissais, auxquels j'étais habitué de la franchise. Quand tu passes le jeu, je pense qu'il n'y avait pas ça au GameCube, t'as comme un autre scénario avec Ada, ouais. Un autre personnage, puis t'as le mode mercenaire. Que ça, c'est vraiment action à fond, que t'as comme un temps limité, plus tu tues des gens, plus tu as de temps, puis si tu veux tirer dans le tas, puis te sauver. Tu te rappelles-tu, puis là, j'essaie de pas mélanger ça avec le 5, là, et j'ai peur que ça soit dans le 5, ce que j'allais dire. Je vais te le dire, parce que j'ai pas fait le 5. Ah, tu t'as pas fait le 5, donc on a une date double, parce que... Ok, ben juste avant, bref, Resident Evil 4, c'est fucking hot. Je pense que ça a bien vieilli à cause que c'est tellement bien balancé avec l'intention du gameplay de l'époque. Je pense que pour vrai, là, ça passe le test du temps. Je pense que le 2 et le 4, autant sont différents, autant c'est des valeurs sûres. Ouais. Puis c'est Leon. C'est Leon qui revient encore une fois. La coupe 94. Oui, exactement. La coupe vagin, qu'on appelait. Qui est la séparation dans le milieu du front. Et un peu Leonardo DiCaprio dans Roméo et Juliette. Ou cette période-là. On a tout ça. Et là, tu veux-tu qu'on switch au 5 tout de suite? Ouais, rapidement. Tu peux OK. Faire... Moi, le 5, ça a été très intense pour moi. Parce que le trailer est sorti. Et c'était un des meilleurs trailers de jeux vidéo que j'ai jamais vu de ma vie. Parce que, après le 4, tu sais, comme, bizarrement, moi, personnellement, je m'attendais pas que la franchise devienne de l'action. Je pensais que c'était comme, on a fait un jeu de même, mais on va revenir à Resident Evil. Okay. Et là, le trailer du 5 est sorti et c'était en Afrique. D'un ghetto, la direction artistique très inspirée de City of God, le film City of God, qui parle des au Brésil, je pense. Ouais, mais tu sais, comme, c'est comme les bidonvilles, favela, tu sais, comme tout est orange, puis tout a de l'air à faire mal là-bas. Puis là, j'ai fait comme, asti que c'est brillant. Puis dans ma tête, j'ai parti une histoire. En checkant juste le trailer. J'ai fait comme, ils utilisent le concept du zombie parce que c'est une corporation qui teste, puis là, on l'a su dans Resident Evil 4, teste ça dans des villages pauvres. Puis je suis comme, si on est réaliste, là, si vraiment une corporation voulait tester genre un virus, si une corporation voulait tester un virus sur une population pauvre, où c'est qu'il ferait ça? Il ferait ça en Afrique, un pays en guerre, un pays fucking pauvre. Puis j'ai fait que c'est là que Capcom s'en va. C'est que c'est brillant. Heureusement. Dans leur scénario et dans leur plan machiavélique. Exact. C'est... Ben, j'avais raison dans le sens que c'est un peu ça. Mais ils sont pas game de traiter ce sujet-là avec maturité du tout, là. Au contraire, là, on est encore plus dans l'action. Puis on n'est pas dans la profondeur du tout des thèmes abordés. D'ailleurs, c'est un peu malaisant jouer à ça parce que tu tues des Africains pauvres dans la tête, parce que là, encore une fois, c'était brillant l'idée de... Ils sont affligés du virus. Oui, c'est ça. Mais ils sont capables de parler, ils sont capables de travailler, ils sont capables de, tu sais... Fait que moi, c'est ça que je trouvais brillant. J'étais comme, ah, oh, man, c'est malade. T'sais, rentrer là-dedans en mode survival horror. Rappelons-nous aussi que c'est après les Silent Hill. Si on fait une captation juste de ta dernière phrase, on peut vraiment te mettre dans le trouble. De? C'est brillant de tuer des Noirs en Afrique. Non, mais si tu l'abordes comme critique de société, comme satire, c'est fucking brillant comme idée de jeu. Là. Ça vient de le monter au... Tu sais, comme un deuxième niveau. Mais c'est pas vraiment ça qui se passe. Fait que, tu sais, c'est juste, finalement, un gros film d'action. Dans un autre environnement, mais qui voulait pas toucher à ça. Ça peut vite devenir un terrain glissant. C'est ça. Puis moi, je pense que ça l'est, en fait. Là. Oui. C'est un terrain... si ce jeu-là aurait jamais pu passer si c'était un développeur américain, c'est uniquement parce que c'est un développeur japonais. Les Japonais ont le droit de faire des affaires un peu plus weird parce que... Mais justement, il a dû avoir la controverse, il a dû avoir des embûches, comment ça se... Oui, je m'en rappelle qu'à l'époque, il y en avait eu une, mais le jeu est tellement niaiseux que il y a pas de débat à avoir. Okay. Tu fais qu'un, il a juste mis ça pour avoir un petit edge, mais sans jouer dedans. Puis c'est ça, puis encore là, tu sais que faut le voir à travers le filtre de la culture japonaise. Ils ont le droit de faire des trucs, tu sais, comme, mettons, dans Resident Evil, après ça, ils ont fait des films d'animation en CGI, mais c'est des films de Resident Evil. Puis on n'a pas parlé des films de Mila Jovovich. Non, pis ça, on n'est pas obligé d'en parler. Okay, merci. On peut skipper ça, ça existe pas. Hein? Ça a été annoncé un moment donné, puis non, ça existe pas. Mais les films en CGI reprennent le lore puis vraiment l'histoire des jeux vidéo. OK. Mais avec un côté plus extrapolé, caricatural. Exact. C'est là, ça a plus de bon sens. OK. Et, tu sais, je me rappelle dans le premier film, parce que je pense qu'il y en a deux, ça commence d'un aéroport puis un avion qui crash dans l'aéroport. T'as tout écouté les films? Ben, j'ai écouté le premier, seulement, le deuxième. Le deuxième, j'ai vu le trailer, mais j'ai jamais écouté. Il y en a juste deux? Je pense que oui. Peut-être qu'il y en a plus, mais je pense qu'il y en a juste deux. Oui. Puis le premier, c'est avec Leon aussi. Puis tu sais qu'il n'y a pas un producteur américain. Puis là, on parle qu'on était comme à la fin des années 2000. Je pense pas qu'on est en 2010. Ou si on l'est, on est vraiment proche. Il n'y a pas un producteur américain qui ferait comme, OK, ta scène, tu commences dans un aéroport, puis il y a un avion qui crache dans l'aéroport. Ça fait full 11 septembre, là. Tu vois le plan de vue de l'avion qui s'en vient. Mais vu que c'est à travers le filtre japonais, on dirait qu'il y a un espèce... Moi, je pense que c'est plus que ça. Je pense que c'est culturel. C'est que, c'est comme l'espèce de, fuck de communication de, quelqu'un qui dit, ben moi, je veux faire un jeu vidéo d'horreur sur des thèmes qui font peur. Puis ça fait peur aux Américains. Fait que je vais faire ça là-dessus. Mais c'est pas eux qui l'ont vécu. C'est culturellement. Donc, ils ont le droit comme d'être un peu à côté. Sans, tu sais, comme on le sait que c'est pas genre, on veut que les Américains meurent, on veut que les Africains meurent. C'est juste dit par un filtre un peu déconnecté, un peu décalé. De la même manière que Kojima fait des films d'action américains à sa manière avec Metal Gear. Tu sais, c'est pas les G.I. Joe, mais ça ressemble aux G.I. Joe, mais il peut se permettre des affaires weird parce que on dirait que c'est pas tout à fait ça, tu sais. C'est ça, c'est pas au niveau de Shin Godzilla qui vont directement traiter de leur problème de la menace nucléaire qui est arrivée il y a quelques années à peine. Donc. Exact. Tu sais, Shin Godzilla, il y a une grande maturité dans la direction de ce film-là, dans le scénario et tout, parce que je pense que c'est très personnel, puis c'est très, ça touche la culture japonaise. Nous, on pourrait pas se permettre de faire un fucking film. C'est ça. Mais avec l'exemple que tu donnes des films de Resident, c'est carrément l'inverse. On fait l'effet miroir qui est arrivé ici, fait qu'on va pouvoir jouer. Dans vos tragédies qu'on n'a pas vécues. Mais je pense que je vais nommer un exemple qui c'est je pense que ça marche. C'est que, tu sais, Cab, notre amie dessinatrice Catastrophe. Au auteur de BD incroyable qui a fait, entre autres, Ivan Nuclear. Et qui sort son webcomic U-Town. Allez voir ça sur Patreon. Cab, C-A-B, comme un taxi. quand il est allé au Japon, il est allé parler d'une BD qui s'appelait Hiver Nucléaire. Nuclear Winter. Tu sais, il a pensé pendant une seconde, genre, c'est-tu approprié? Puis tu sais, il paraît que la réception là-bas était super bonne parce que les Japonais voient que ça vient d'une autre culture. Fait qu'ils prennent pas comme, genre, OK, genre, tu ris de nos problèmes de société. Puis je pense que c'est un peu ça qui est arrivé avec l'exemple de l'aéroport que je parle tantôt, où le setting de Resident Evil 5 sur... Un peu plus grossier, mal fait, là. Ben, c'est ça. C'est que là, c'est plus naïf, mais tu sais, je pense pas que t'as à gagner en attaquant ce jeu-là d'être raciste, parce que c'est pas ça pour eux. Pour eux, ils veulent juste quand même faire comme... On se base sur des choses épeurantes dans le monde. Puis, tu sais, on le fait. Malheureusement, tu sais, clairement, il y a beaucoup de recherches dans Resident Evil 5. C'est encore là un jeu en fin de console, maintenant PlayStation 3. Il est fucking magnifique, ce jeu-là. Il est impressionnant. En fin de vie, là. Moi, je suis à la moitié de vie de PS3. Là. Mais là, on arrive, tu sais, bientôt à une nouvelle génération, deux nouvelles générations de consoles depuis ce jeu-là. Et pour vrai, le jeu, il est fucking beau. L'affaire qui était weird, qui était osée, c'est que... Est-ce que ça joue uniquement co-op à deux, c'est ça? Uniquement. Non. C'est-à-dire que tu peux jouer tout seul, mais... il y a l'intelligence artificielle. Il y a le AI. OK. Puis ça, il paraît qu'il poule. Donc, puis il y a beaucoup... C'est un jeu... Voyons, comment ça se dit? Sur le divan. C'est un jeu co-op de salon. T'sais. C'est pas un jeu co-op qui joue en ligne. Parce que t'as avantage... Faut une interaction directe avec exact, l'autre. Exact. À communiquer constamment, puis... C'est comme juste donner un exemple, on commence dans une baraque qui se fait envahir par des zombies, puis faut barricader la baraque. Si tout le monde court, comme si les deux joueurs genre font juste comme, c'est comme ils vont tous arriver d'un bord puis on réussira pas. Fait qu'il faut vraiment genre tu te parles genre faire comme waouh, faut bloquer les fenêtres pendant ce temps-là. Je... Ok, j'ai fini d'avancer le divan, descend, il commence à arriver par la fenêtre. C'est comme c'est constamment ça. Et si tu joues comme ça, moi, je l'ai fini 3 fois, man. Avec des trois amis différents. Si la troisième fois que je l'ai fini, c'était différent? Non, tu l'as fini 3 fois avec 3 personnes différentes? Attends un peu. Non, 2 personnes. Donc, une fois, je l'ai fini 2 fois avec Johnny, puis une fois avec un autre ami. OK. Puis, pour vrai, tu sais, c'est incroyable. C'est un expérience de coop, mais ça se rapproche évidemment plus de... Je sais pas si Contra, c'est un bon exemple, mais tu sais, du couch co-op. C'est Gears of War, justement? Ouais, Gears of War, ça faisait ça aussi. Okay. Mais tu sais, c'est un jeu que t'es constamment en train de communiquer, puis tu peux évidemment t'entraider quand un tombe, tu peux aller le sauver. Fait que j'imagine, vu qu'on est deux, il y a moins place à l'exploration, les moments plus tranquilles, seuls. Non, il y en a. Puis ça, c'est moins présent que dans les premiers jeux, mais il y a vraiment beaucoup de place où c'est que tu arrives dans un nouvel environnement, puis la première fois que tu joues, tu sais, t'as le temps de gun sorti. Puis là, tu réalises que, OK, c'est calme, puis là, il y a 2 chemins, fait qu'on peut se séparer. Puis pour vrai, le jeu... Tu peux faire tous les raccoins pour voir s'il y a des items. Il y en a full. Ils sont importants à trouver. Ben oui. Parce qu'il y a... Même si c'est beaucoup plus action, il y a quand même le côté survival. Fait que, pour vrai, genre, le jeu est designé pour le co-op. Moi, je serais full down pour jouer avec toi. N'importe quand. C'était quand même ambitieux comme pitch de jeu. Ouais, puis le pire, c'est que je pense qu'ils ont, ils ont réussi dans ce côté-là. Là où ils ont pas réussi... c'est faire un jeu de Resident Evil. Ça aurait pu s'appeler Trouble in Africa ou Mutants from the Old Continent. N'importe quoi. Mais c'est pas un jeu de Resident Evil. C'est que t'as jamais à part peut-être la première séquence, t'as rarement peur. C'est extrêmement ridicule. Il y a une séquence que ça sort d'un douteux, là. Il y a une séquence où un personnage fait un saut de l'ange pour sauver quelqu'un d'autre, puis tu fais comme, voyons donc, c'était la pire chose à faire. Mais il y a des séquences le fun. Il y a des trucs vraiment cool là-dedans. Puis, comme je dis, le gameplay co-op, c'est vraiment bien pensé. Le jeu est designé dans ce sens-là. Il te faut un ami. Ouais, puis ils ont développé quelque chose aussi qui est super intéressant, qui est tout le rapport avec la lumière. Puis ça, c'était la première fois, je l'ai vu beaucoup de fois fait après, mais c'est la première fois que je voyais ça dans un jeu. Donc, vu que t'es dehors, il fait tout le temps soleil, quand tu rentres à l'intérieur, tu vois rien. Tu vois juste du noir, puis il y a des ennemis cachés là. Et vice-versa. Quand t'es habitué au noir, tu sors dehors, t'es complètement ébloui. Puis surtout dans la première moitié du jeu, ils servent beaucoup de ça. Puis pour vrai, c'est quand même un concept intéressant, là, de ça te déstabilise tout le temps. C'est la même mécanique que Resident 4, c'est-à-dire que la caméra est derrière ton épaule. Oui, exact. Okay. Puis encore une fois, en fait, tantôt, quand je parlais de Resident 4, je pense que je me suis trompé en disant que il y avait beaucoup de shooters qui étaient fluides. Je pense je voulais plus dire le 5. Okay. À l'époque du 5, là, c'était comme un peu étrange de faire. Tu peux pas bouger pendant que tu tires. C'était comme weird. Puis je me rappelle que il avait fallu que je débatte avec un ami là-dessus pour dire comme non, mais c'est pas un défaut. Le jeu est balancé comme ça. Je l'ai dit pour le 4 tantôt, mais je pense que ça s'applique mieux à celui-là. Puis honnêtement, c'est un jeu à passer avec un ami. Okay. D'un salon, en une fin de semaine, ça se fait. Il est quand même court. Okay. C'est un bon jeu de chalet. Ouais, c'est un bon jeu de chalet, puis il est drôle. Mais pas intentionnellement drôle. Mais surtout vers le dernier tiers du jeu, il y a beaucoup de place que moi j'ai pouffé de rire avec mon chum à côté de moi. On se disait comme, mon Dieu, est-ce que c'est malade. Ouais, ça n'aide pas le jeu. Je trouve ça vraiment étrange parce que sur la pochette que je regarde présentement, il y a deux personnages. Et le deuxième personnage, ce n'est pas un personnage jouable, c'est-à-dire c'est pas le personnage principal, c'est un personnage qu'on peut débloquer, mais c'est Chris qui revient du Resident 1, le frère de Claire. Et l'autre personnage, c'est un nouveau personnage qui est une femme noire qui ressemble vraiment beaucoup à Beyoncé ou Rihanna, là, c'est comme un mix entre les deux, puis elle est pas sur la pochette. Je trouve ça vraiment bizarre. Comment? Pas Michonne. À Beyoncé ou Rihanna. À Michonne, je sais pas c'est qui. À Michonne, pas Michonne. Okay. Non, c'est vraiment une chicks. Je vais passer vraiment rapide, mais Resident 6, je l'ai acheté. Je l'ai vu un moment donné dans un pawn shop, genre, je pense qu'il était 15$, fait que je l'ai pogné. J'ai commencé à jouer, puis si on pensait que Resident 5 s'était éloigné du survival horror, Resident 6 confirme ça. Le setting est plus comme le 2, c'est-à-dire qu'on est dans un... Je pense que vous voulez en mettre plein la vue, puis plein de personnages, plein de scénarios, mais action over the top. C'est action over the top, comme le 5. Mais j'ai pas joué, là. Pour vrai, c'est un peu insupportable. C'est des quick time events, puis rendu là, tu sais, comme, je pense que là, tout le monde, tous les fans de Resident Evil ont fait que, OK, ouais, non, c'est plus ça, là. C'est plus à propos de ça. Changer de nom. Et je pense que Capcom ont entendu ça. Parce que là, c'était comme... Il y a tellement de jeux d'action, puis tu sais, comme là, je veux dire, si on parle de Call of Duty, c'est rendu à leur 19e épisode, whatever. Là, c'était rendu comme... C'était plus... ça fitait plus. Ça avait plus rapport. Mais avant le 4, avant qu'ils fassent le virage vers l'action, je pense qu'ils ont fait le tour ou ils ont bien fait les bases qu'ils voulaient faire, mais je pense que... Je suis pas sûr s'il y avait tant une saturation sur les jeux de survival horror par rapport aux jeux d'action. Mais c'est ça, c'est que en fait, le cap, quand il est arrivé, moi, je pense qu'il était nécessaire pour créer un vent de fraîcheur, créer quelque chose de nouveau. Quand le 6 est arrivé, c'était comme... C'était la balloune était dégonflée. C'était rendu genre... Puis, il y avait une nouvelle vague de jeux survival horror qui arrivait. Mm-hmm. Puis des jeux comme, ben, c'est comme, j'ai juste dit Fatal Frame tantôt, mais genre, tous les trucs autour de ça, genre, dont les jeux Amnesia sur PC. Mm-hmm. Puis c'est comme, là, on est vraiment plus dans la terreur absolue. Mm-hmm. Puis, tu peux plus te défendre. Exact. Ouais. Beaucoup d'affaires, t'es comme super intense. Tu sais, comme, j'ai pas vraiment d'autres exemples vite de même, mais t'es comme beaucoup, beaucoup de jeux, genre, terrorisants. Mm-hmm. Là, t'sais, comme Resident 6 arrive, pis c'est comme, oh man, ça pourrait être tellement plus que ça, Resident Evil, t'sais. Mm. Pis là, il est arrivé quelque chose. Pis je pense qu'on peut finir là-dessus parce que moi, j'ai pas joué, mais je veux jouer, pis je veux t'inviter à venir chez nous à jouer. Moi, j'ai essayé le démo. C'est Julien. Salut Julien. Ben, c'est que, en fait, juste avant le prochain opus de Resident Evil, il est sorti un démo sur PlayStation. Ah! Ben oui. Qui s'appelle P.T. Ouais, mais ça a pas rapport avec Resident. Tu penses que ça a pas rapport? Moi, je te garde. Dans la grande lignée des jeux. 100% rapport. Parce que P.T. a été un démo qui est sorti sur PlayStation, qui a révolutionné le genre. Tu sais, ça a été genre nommé meilleur jeu d'horreur, tandis que c'était un démo, ça n'était pas un jeu complet, c'était juste un concept, c'était juste une idée. Mm-hmm. Mais la réalisation était tellement solide, puis c'était tellement terrifiant, puis sur l'atmosphère, sur l'ambiance, on fait quasiment sentir l'odeur là, tu sais, dans le jeu. Et à la fin du démo, on découvre que c'est un trailer pour un playable trailer, donc P.T. pour Silent Hill, le nouveau Silent Hill qui met en vedette Hideo Kojima, Guillermo del Toro, le gars de Walking Dead, whatever. Mm-hmm. Puis là, c'est annulé. C'est cancellé. Ça fait quoi, 4 ans, 3 ans? Ouais, ça doit faire un bon 5 ans, ça. 4 ans. On va dire 4 ans. Quand même. Puis là, c'est cancellé. Et là, l'ironie du sort, c'est que, tu sais, Silent Hill a tout le temps été une réponse à Resident Evil, à la base. Puis là, ce jeu-là qui a promis tellement aux joueurs, les gamers dans tout le monde entier, ont tellement répondu fort à ça, fait qu'on veut P.T., qu'il y a plein de développeurs indépendants, genre des gars tout seuls dans leur salon, qui ont essayé de faire leur propre P.T., puis Capcom, en même temps, était dans une espèce de « qu'est-ce qu'on fait avec notre prochain Resident Evil? Personne veut un jeu d'action. » Puis on fait ça, puis on fait « si on faisait notre fucking P.T. à nous autres, ça donnait Resident Evil 7. » Puis c'est clairement ça. Donc on change, encore une fois, on révolutionne le genre. On est dans first person. Ultra graphisme, ultra réaliste. On lâche toute tout le canon de parce que là Umbrella Corporation, tu sais, comme rendu au 6, tu sais toute l'histoire, puis c'est too much, puis il y a Wesker là-dedans qui est un genre de Néo qui est devenu un super humain, puis tu sais comme il y a plein d'affaires comme pis là, t'sais, on enlève tout ça là, puis on les met dans fucking famille de Leatherface là, de Texas Chainsaw Massacre. Au plus simple, un environnement confiné. Donc, on n'est plus un SWAT team, on n'est plus un super cop, on n'est plus un dude full musclé, on est juste qu'un... Qu'est-ce que tu dis, rapporteur? C'est qu'en fait, non, le gameplay est intéressant, c'est que tout est un gars que sa blonde est missing. Disparu. Mm-hmm. Puis, tu reçois une lettre de elle, fait que tu vas à cette place-là, puis tu te rends compte que, bon, finalement, elle est séquestrée, puis là, t'as cette place-là. Mais, t'sais, comme, dans le jeu, t'arrêtes pas de trouver des VHS, puis tu mets ça dans une vidéo, puis ces séquences-là, tu les joues, puis le démo, c'est une des séquences de cassette VHS que tu joues. OK, ouais. C'est quand même brillant, parce que ça t'apprend de l'information sur qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison-là avant, mm-hmm. Mais en même temps, t'es en train de le jouer, puis c'est terrifiant. Puis là, notre ami G, que je pense qu'on n'a jamais mentionné son nom dans la cave avant, G... Il est venu au dernier épisode. Mais, t'es sûr qu'on n'a jamais parlé de G avant? Oui. Il y a un set VR. Puis, pour vrai, moi, peut-être qu'on fera pas un épisode là-dessus, mais j'aimerais ça qu'on en reparle. On partage nos expériences. Ou que même on fasse un petit extrait audio qu'on va plugger un jour d'un futur épisode. Mais il y a de quoi à faire là-dessus parce qu'il paraît que c'est une expérience jouer à Resident Evil 7 avec le VR. Puis, sur ça, je veux pas conclure à ta place, mais il y a en plus le remake de Resident 2 qu'on a même pas mentionné, qui paraît qu'il est extraordinaire. Ouais. As-tu joué? Tu joues au démo? J'ai joué au démo, puis je veux que tu l'essayes chez nous. Fait que, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça t'intéresse-tu, ou? Oui, ça m'intéresse, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'amour là-dedans. Mais tu sais, j'ai toujours aimé l'original, là. Ben, ça l'enlève rien, l'original. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Mais moi, où je suis content, c'est que Mr. Rex, il paraît qu'il t'amène ailleurs. Mais dans ce que j'ai vu, il y a une affaire qui me gosse. Ouais. C'est, il est en Colombo. Il est comme un trench coat puis un chapeau. Mais il est pas de même dans le 2? Non. Il est comment dans le 2? Il a pas de chapeau. Ok, c'était juste un gars chauve avec un... Ouais. Ah, mais moi, le pire, c'est qu'on avait déjà parlé de ça, ça me rappelle ça. Moi, je trouve ça cool. Le chapeau? Ouais. Parce que je trouve que ça fait comme Alien qui essaye d'imiter un humain, mais qui l'a pas pantoute, là. Comme les lunettes, la fausse moustache, genre. Ouais, genre. Tu sais, ça fait Dark City pour moi. Ça, je trouve que ça fait que, ben non, j'ai de la normale, Gab. Tu sais, que c'est un gars de 7 pieds 4, genre, de 600 livres, genre, avec un gros trench coat. Pis, ben, comme les, normal, j'ai un chapeau. Comme les cartoons de TMNT, que... Ils sortent, puis ils vont manger de la pizza en train de coach, puis ils sont clairement des tortues géantes. Ouais, j'avoue, je suis même très long. Ouais, c'est vrai que ça marche moins. En tout cas. Tes préférés, vite, dans ceux qui sont à la table? En ceux qui sont à la table, ben là, je vais y aller par ceux que j'ai le plus joué. Fait que malheureusement, pas... Je sais que je m'excuse à la communauté des gamers. C'est ton opinion. Mais je pense pas que c'est les meilleurs jeux. Mais ceux que j'ai le plus appréciés, c'est en ordre 4, 5, 2, 1, 3. Ouais. Et ça, c'est ton code d'accéder. C'est mon hit. Mais si j'étais un gamer qui les aurait toutes finies, mettons, je dirais sûrement 2, 4, 1, 3, 5. C'est correct. Ça serait ça, mes deux pas de bonne ou mauvaise réponse. Ouais. Ça, toi, c'est quoi? Moi, c'est le 2 et le 4. Là. Ouais. Ben, je pense que c'est les deux plus forts. Ouais, ouais. Le 5, c'est purement du couch co-op, là. C'est juste un jeu d'action à jouer sur le... Est-ce que tu me le conseilles à faire tout seul? Non, jamais. Okay. Juste avec moi. C'est juste avec moi que vous jouez. Mais si tu meurs en partant, là. Mais tu sais, comme j'avais essayé de jouer avec quelqu'un qui jouait pas beaucoup aux jeux vidéo, puis là, j'ai vu la terreur dans ses yeux. Okay. Pis, mais il y a un boss fight dans Resident 5 pour vrai, qui est incroyable, mais tu sais, encore une fois, qui rappelle plus, genre, les films de James Cameron. Tu sais, on est vraiment dans le gros blockbuster, sauf que, il y avait un DVD, en fait, un bonus dans le jeu, qui montrait tout le développement du jeu. Puis le compositeur, tu sais, vraiment, genre, tu sais, comme, enregistré ça avec orchestre. Tu sais, tu le vois un moment donné, tu sais, comme, il a composé pendant des mois, puis l'orchestre est en train d'enregistrer, puis lui écoute ça, puis il braille sa vie, parce que c'est la première fois que ça y arrive d'entendre une de ses symphonies, genre. Puis, il y a une séquence pendant un boss fight, que c'est un boss qui arrête pas de disparaître et de réapparaître, puis pendant ce temps-là, genre, c'est comme, c'est des ressources qui sont en train de se vider, dans le fond, c'est comme des gros trucs de gaz avec lesquels faut le brûler. Okay. Puis ça, c'est en train de se vider pendant le boss fight. C'est la seule manière de le tuer. Faut agir vite. Faut communiquer beaucoup. Et la musique, même. Mais, encore là, on est plus proche de la dernière séquence de Terminator 2 que de Romero ou de bons films d'horreur de zombies creepy, c'est comme on aime. Là, C'est drôle, tu parles de communication, puis dans le jeu d'arcade de Terminator 2, à la fin, il réplique la scène du film où t'as le camion avec le cryogène ou le truc qui... Ouais. Puis un de mes amis du temps, il me disait qu'il jouait avec quelqu'un d'autre, puis le gars, il faisait juste tirer le T-1000, puis non, faut tirer le truc pour qu'il soit gelé, puis là, il s'écoutait pas, puis finalement, les deux sont morts. Fallait le geler, fallait s'écouter. Ben oui, c'est ça, exactement. Fait que la morale de cet épisode est communiquer. Ouais. Hein? Puis en plus, moi, je sais que si on jouerait à Resident Evil 5, je prendrais sûrement le gros gars musclé, puis tu prendrais sûrement la chicks. Et combien de personnages? Il y en a deux. Un de deux. T'as pas le choix. C'est soit le gros gars musclé. Plus celle qu'on débarre en part. Pis ça, le pire, c'est que c'est comme Ada. C'est, okay. C'est un autre mission, puis... Ça doit être parce que j'ai le gold edition. Ouais, c'est ça. Ouais. Je trouve ça vraiment étrange comme packaging, parce que même j'ai checké à l'intérieur, puis l'autre personnage, je me rappelle pas ton nom, mais elle n'est pas apparente. Beyoncé. Ouais. Okay. Beyoncé / Rihanna. OK. Ben merci, on finit avec une toune de Rihanna. Ce survol de monde d'horreur de Resident Evil. Ouais, ben merci, Doom. J'ai aimé ça, parler de Resident Evil. Ouais. Ouais. Là, c'est quand qu'on fait notre épisode sur Evangelion? L'année prochaine. Bon, on va faire notre épisode de Noël, puis après ça, on verra. Oh, notre épisode de Noël! Fait que ça nous engage à en faire un autre avant la fin de l'année. Là. OK. Puis c'est sur quelle thématique qu'on fait ça? OK, c'est genre... Non. C'est pas obligé d'avoir rapport avec Noël. Non, je vais juste lancer ça comme ça. Ben moi, j'aimerais ça. Pour du eggnog. Quel jeu qui aurait rapport avec Noël? Y a-tu un jeu thématique Noël? Sûrement. Es-tu un anime japonais qui a rapport avec Noël? Ben oui, on avait parlé de Tokyo Godfathers quand on a été invité au spécial Noël des Mystérieux Étonnants. Oui. Il y a une belle lurette. Ouais, on n'avait pas parlé de hentai cette fois-là. Là. Quand t'avais des cheveux blancs. OK. Fait que joyeux Halloween tout le monde. Hey, joyeux Halloween. Ben oui, c'est vrai, c'est notre spécial Halloween en même temps. Bon, regarde, cadeau d'Halloween. Cadeau d'Halloween. Fait qu'on vit ça avec Golden Ashes, The Charred Gates of Benevolence. Bye-bye.